Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Maxime Leduc. Merci d'être passé, c'était pas mal le fun. Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, on parle de Max Payne 3, Monster Tail, Slingshot Racing et Rocket Knight. On fait une discussion sur nos attentes par rapport au E3 2012 et le top 5 des rivalités. Wouh! Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode 29 de Rétro Nouveau. Salut Dom! Salut Bruno! Hey, toujours en vie! Toujours en vie! C'est ça, on est toujours en vie parce qu'on est de retour de Tremblant, de notre virée à Tremblant. Ouais, ben ça fait 2 semaines parce qu'on était à 3 bières la semaine passée, fait qu'on a sauté. Ben le temps de s'en remettre. Ben c'est ça, avec 3 bières. 3 bières nous ont permis de rester dans le même état. Ouais, c'est clair. Non, mais moi à Tremblant, si vous avez écouté ce qu'on a mis sur le blog, les 2 épisodes, dans le fond, compensatoires du 29e qui compense par notre absence, dans le fond, on vous a fait des résumés de nos soirées, puis on a mis ça, c'est disponible, là. Si vous écoutez ça, vous l'avez sûrement déjà écouté. Puis Bruno, t'étais chaud, toi, vendredi? Ouais, vendredi, j'ai commencé, puis je zozotais. C'était tellement génial, là. C'était vraiment drôle. On a rien vu de ça aller, mais le lendemain, dans le fond, quand on écoutait ça, là, oh boy. Ouais, c'était magnifique, écouter ça à jeun, mais regarde, je trouve ça tellement drôle. Ah ouais, c'était vraiment drôle. Puis tu sais, c'était comme, en même temps, il était rendu tard, puis on était, il était quasiment très tard. En train d'oublier de le faire, là, tu sais, d'un coup. « Hey, faut qu'on fasse ça, là, c'est vrai! » Puis là, OK, on se lève d'une traite, on parle le micro, puis on a vraiment comme ça, tout sorti, puis c'était pas mal drôle. Non, mais c'était drôle, puis c'était le fun, puis en tout cas, on a eu vraiment du fun là-bas, ça a été super le fun, puis c'est le fun, je me suis aperçu que ça a inspiré des gamers autour de nous. Moi, à notre retour, il y a plein de monde qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on avait fait, quel genre de week-end c'était, comment qu'on s'organisait, tout ça. Il y a d'autres mondes aussi qui m'ont demandé si c'était possible d'en faire un avec eux autres. Évidemment, ça devient quelque chose de très gros. Fait que c'est difficile. Mais au départ, le week-end gaming, la raison pourquoi c'était pas ouvert au public, c'est tout simplement pour du vol, des raisons de sécurité. C'est vraiment pas évident à organiser de quoi de même, là. Puis là, au-dessus de 70 jeux, là. On a pas mal de stock. Puis, tu sais, là, si on voulait faire un vrai événement avec tout le monde, avec vous, tu sais, c'est de la logistique, puis du taponnage, là. Exact. Mais, en tout cas, on a quand même d'autres idées grandiloquestes. Oui. Ça se dit-tu, ça? Ah, écoute, invente, là, c'est correct. des grosses idées. Puis on verra, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va le faire. On sait pas quand, mais moi, j'aimerais bien ça. Non, moi aussi, j'aimerais bien ça. Puis en même temps, on dit ça, tu sais, si on peut aussi inspirer quelqu'un à partir de ça, puis à nous inviter, puis on va contribuer. On va venir, on va contribuer. Ben oui, s'il y a du monde parmi vous qui sont des champions organisateurs d'événements ou qui avaient une salle, puis vous voulez comme nous aider là-dedans, nous autres, on est bien partants. Là. Ben on embarquerait certain. Là-dedans 100 000 à l'heure, là, tu sais. Parce que c'est ça, c'est sûr que tu sais un week-end c'est long là, c'est pour ça tu sais en chum, j'ai pas de problème à faire un week-end où je vais me coller tasser dans un lit à 3h du matin. C'est ça. Mais avec du monde que je connais pas. Non, moi je le verrais plus à Montréal là pour c'est ça. Parce que c'est central, du moins pour nous puis pour tout le monde puis pour le stock qu'on veut emporter. Ouais. Puis tu sais une soirée toute une soirée, peut-être genre de nuit blanche. Ouais, peut-être là, une nuit blanche c'est vrai. Fait qu'en tout cas, l'appel est lancé, comme on dit. Puis pour aussi, ça a donné une idée, ça, à Jeff Chabot, qui nous suit sur Twitter. Puis il m'a envoyé un lien, je vais juste le ressortir ici. Ouais, Extra Life. Extra Life, tu connais ça? Mm-hmm. C'est comme, moi, je connaissais pas vraiment, mais tu peux t'inscrire à ça, puis dans le fond, tu fais des blitz de gaming, puis tu ramasses des fonds avec ça. Exact. Puis, tu sais, dans ton entourage, là, le monde qui participe. Un peu comme un Movember, mais à la place, on joue à des jeux, tu sais. Puis, on ramasse du cash, puis on envoie le cash à un hôpital ou un organisme. Oh, oui. Il y en a pas mal au Canada, maintenant. Donc, qui sait, peut-être l'année prochaine, on pourrait faire ça. Là, ben oui, on pourrait le faire pour une bonne cause. On le ferait peut-être pour une bonne cause, là, déjà. Oui. Là, on le fait déjà pour une bonne cause, là, soit pour se calmer les nerfs. Oui. De notre c'est ça, parce que c'est... stressante. Ben oui. Parce que c'est quasiment... c'est pratiquement toutes des pères de famille qui étaient là, ah, au ouais, Ken hein. Gaming. Il y en avait juste un, je pense, qui n'avait pas d'enfant. Oui, il y en avait juste un qui n'en avait pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'était quand même assez, assez relax. C'est un week-end de vieux battes. Ouais, puis cool. C'est ça, comme on a dit tantôt, on a été invité à Trois Bières la ouais. semaine passée, puis ça a été pas mal de fun une fois de ouais. plus. Là, ouais. c'est... avec Yannick puis Pierre-Luc. Oui. Les gars, ils avaient mis des Nintendo Power partout sur les tables. Ben ouais. Ils nous ont mis à l'aise. Là, ah ouais, on a été bien accueillis. On a fêté ça en masse. Ils nous ont même donné en cadeau un Nintendo Power sur le Virtual Boy, un ouais. comic book de Mega Man que j'ai pas lu encore. Fait que, puis il y avait de la bière en masse, ouais. là, puis laisse-moi te dire que Trois Bières, tu sais, comme dans le laps d'un podcast, ouais. plus moi, j'en avais pris une en avant-match, là, tu sais, ouais. puis après aussi, on enregistrait d'autres affaires, tu sais, ça commence à faire pas mal de bière. Ouais, c'est ça, t'as, en fait, t'étais comme un sonné, là, t'étais comme pisse, parce que c'était trop vite comme bière, là, t'en as comme trop eu. Ouais, ben, ça me dérange pas, là, tu sais, mais c'est ça, je m'en venais chaud d'ail, puis c'était bien drôle, j'ai quitté Pointe-Saint-Charles assez pacté, là, finalement. Et mais ouais. c'est correct, c'est toi qui chauffais, hein? Ouais, c'est moi qui chauffais, moi, je me suis abstenu de la troisième bière. Ah, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, je l'ai ramené à bonne place. Ouais. Mais c'était bien cool en ouais. tout cas. Puis j'ai hâte de voir que ça donne là. Ouais. On a enregistré la semaine passée, puis c'est pas encore sur le web. C'est pas encore en ligne, puis on a fait un extra aussi avec eux autres, fait que on a jasé en masse. On a jasé de gaming, mais on a jasé aussi d'autres choses. Fait que, ouais. Puis on a jasé aussi à micro fermé de films, puis on est parti sur une chire. Là, ouais. On a parlé vraiment longtemps. Finalement, on regrette de ne pas l'avoir enregistré. Hey, on pas, avait ça. Vraiment du matériel. Mais c'était bien le fun. Puis ouais. On compte bien peut-être les inviter à notre show éventuellement. Ben oui, certainement. Aussi, parce que ces gars-là, ils trippent vraiment jeux vidéo. Ouais. Puis Yannick, ils ont full d'affaires là, rétro chez eux. Ah ben oui, vraiment. Ils connaissent toutes. Là, ouais. Tu parles d'une vieille affaire, là. Oh oui, t'as le truc, là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment fascinant. D'ailleurs, cet été, on va en profiter pour inviter des gens à l'émission. On a déjà une couple de ouais, noms en tête. On a une là. Bonne liste, là. Une déjà. Bonne liste, quand même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'au courant des prochaines semaines, vous allez voir ça. On préfère pas vendre de punch. Non. Aussi, évidemment, c'est parce que quand tu dis un nom puis qu'au final, la personne ne peut pas venir, c'est un peu bête. Ouais, là. Ça nous est déjà arrivé. Ouais. En fait, on avait un gars de prévu puis il pouvait pas. Donc, c'est là, ça. Avec Tremblant, avec Trois Bières, ça a tout ouais. fait le chien. Là, on voulait faire un épisode régulier aussi avant d'inviter quelqu'un. Exact. C'est question de ne pas rien qu'avoir des épisodes spéciaux. Donc, on va voir. Mais ben il y en aura. Exact. Puis, il y avait toi et toi, t'avais reçu du courrier. Oui, oui, j'ai du courrier ici. Attends un peu, laisse-moi revenir. Oui. Dans mon ordinateur. Ah, attends, courrier ici. Maxime, Côté brochu. Qui se reprend pour l'épisode 27 des accidents de gamer. Il voulait nous ouais. raconter son accident de gamer. Là. Il n'avait pas eu le temps. Alors, il dit, voilà 7-8 ans, je jouais à, je sais plus, attends un peu. Tout... Je lis vraiment tout croche. Voilà 7-8 ans, je jouais à je ne sais plus quel jeu sur PS2 avec ma manette wireless Mad Cats. J'ai pogné les nerfs et j'ai garoché ma manette qui a accidentellement défoncé mon écran d'ordi neuf de quelques semaines. C'était environ 20 minutes avant de partir travailler. J'étais assis en tabarnak. Je me suis défoulé en faisant des passes de break à bras avec mon char et fini par le crisser dans un banc de neige. Bravo, Max. Hey, il signe Max sans nom de famille, mais tu sais, son nom complet, il pop dans le courriel. C'est ça. Vraiment désolé si j'ai dit quelque chose qui fallait pas. C'était vendu le punch. Puis avant que tu arrives, on a reçu un autre beau courrier, une belle lettre. Ouais. Via Facebook. Via YouTube, excusez. OK. C'est de Yannick. Il dit « Salut vous deux. Écoutez, je veux vraiment vous féliciter pour tout ce que vous faites. Je suis un fan de vos podcasts dont je viens de prendre connaissance la semaine dernière. Je les écoute en rafale à tous les soirs et je trouve que vous faites vraiment un bon travail. J'apprécie sincèrement le fait que malgré vos responsabilités parentales, votre travail ou vos activités personnelles, que vous preniez le temps de nous divertir comme vous le faites. J'ai remarqué que cela faisait quelque temps que vous n'aviez pas fait de nouveaux podcasts et je voulais savoir si vous alliez en faire un prochainement. On est dedans. On fait ça. De plus, j'aurais une petite suggestion sur un épisode spécial sur la série de jeux, et c'est sur la série Teenage Mutant Ninja Turtles qui a bercé mon enfance. J'ai vraiment trippé sur la série télévisée et jeux vidéo. Merci à vous encore une fois. De plus, je vous lève mon chapeau à ce magnifique travail. Bonne soirée. Wow, ben, merci beaucoup, premièrement. Premièrement. Puis deuxièmement, on a fait un jeu souvenir dans la section YouTube sur les Teenage Mutant Ninja Turtles. Dans notre top 5 des meilleurs ports d'arcade, on a parlé de Turtles in Time. Donc, ça couvre déjà ça. Oui. Puis, je ferai Turtles 2 Arcade Games sur le NES à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis, Mais sinon, j'avoue que les Turtles ont quand même eu un bon lot de jeux pareils. Des bons jeux aussi. Oui, ils ont eu des bons jeux quand même. Ils en ont eu des moins bons, mais ils en ont eu des bons aussi. J'avoue que ça pourrait peut-être être le fun parce que on parle dernièrement peut-être de faire un épisode spécial hors série whatever où on va couvrir une série parce que on sait à quel point on a beaucoup de demandes tellement, pour ça, on a beaucoup de demandes on a tellement eu de feedback pour l'épisode de Castlevania, tu sais. Mega Man est très en demande, Ninja Gaiden, puis les Turtles, ce serait la trois grosses séries dans le fond à faire là. Non, Mega Man, je pense qu'à ce stade-ci, on n'a pas le choix tellement il y a eu de demandes là. Faut vraiment qu'on. Va falloir le faire. Mais ça pourrait peut-être rentrer là dans une nouvelle. En tout cas, on brainstormait avant de commencer le show, puis on se posait des questions, tu sais, puis on va sûrement changer des affaires au cours des prochaines semaines. Une fois de plus pour améliorer, puis en même temps, là, donnez-nous vos commentaires, puis dites-nous s'il y a quelque chose qui vous manque sur le show, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir, s'il y a des choses que vous aimez pas du tout qui sont dans le podcast. On veut le savoir, on veut votre opinion, on veut vraiment votre vraie opinion, on veut pas de la lèche, on veut vraiment s'améliorer, donner un meilleur produit. Ça fait toujours plaisir produit. De recevoir des bons commentaires, mais si vous avez des trucs aussi que vous aimiez ou whatever, Maxime Leduc, justement, qui est venu en fin de semaine, lui, il nous disait qu'il aimait ça, le créateur, ces chroniques-là, ça nous fait réfléchir pas mal. Puis Maxime Duguay aussi, qui m'a dit à la 2000e de Monsieur... Il disait, lui, qu'il aimait ça, les chroniques rétro-nouveau, qu'on parlait d'un vieux jeu et d'un nouveau, fait que tout ça, ça nous reste en tête. Là, exact. Puis, on ajuste. Là, on a des idées. On a des idées. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, dernier courrier qu'on a reçu et que tu n'as pas vu, c'est de Marc Blouin qui nous a écrit sur Facebook. Il dit « Soirée parfaite de gaming rétro. Un ColecoVision, un 2 litres de liqueur au raisin croche, un gros Ruffle barbecue, 3-4 barres de chocolat cheap du dépanneur, une coupe de chum, 10-12 jeux dans tous les genres. Les blondes out of the way pour 3-4 heures. Tu finis ça avec de la bière puis un tournoi de high scores. » Shit, finalement, c'est une fin de semaine à Tremblant que ça me prend moi aussi. Tu vois, on l'a inspiré. Merveilleux. Merveilleux. C'est beau de voir ça. Rétronouveau.ca. Fait que moi, sur le site cette semaine, j'ai mis des courts-métrages. J'ai eu des courts-métrages de Ghost Recon Alpha. Mm-hmm. Et il y a eu aussi celui de Metro Last Light. Ces deux jeux, Ghost Recon Alpha est déjà... Ghost Recon... Future Soldier est déjà sorti. Okay. Puis c'est ça. Puis le court-métrage qu'il y a eu, moi, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que je trouve ça tellement cool qu'il y ait des courts-métrages maintenant pour faire la promotion de jeux vidéo qui montrent aucun gameplay. C'est, un sens, ça montre du gameplay parce que ça montre des mécaniques et des trucs qu'il y a dans le jeu. T'sais. Ouais. Mais est-ce que ça fausse? T'sais? Est-ce que on va pouvoir jouer à ça, à la façon... Tu comprends ce que je veux dire? La façon qu'ils nous montrent le ben oui, le c'est film, ça. Là, c'est ça, le ou film. C'est juste des séquences, dans le fond, puis on jouera jamais de cette façon-là. Non, c'est vraiment... En tout cas, si on se fie à Ghost Recon Alpha... OK. Parce que Ghost Recon Alpha, c'est vraiment une mission complète qui serait dans le jeu, mais qui est visiblement pas dans le jeu. C'est comme un pré-épisode, comme dirait Denis. Pré-épisode. puis c'est ça, tu sais, ça se passe avant Future Soldier, mais c'est le groupe de Ghost Recon qui est là, puis qui est en train de prévoir son coup, puis ils ont les mêmes gadgets, les mêmes trucs que dans le jeu. Fait que c'est des choses que tu vas retrouver dans le jeu, tu retrouveras pas la même histoire, mais tu vas retrouver les mêmes gadgets, les mêmes armes. Fait que il y a vraiment un souci du détail profond. C'est Ubisoft qui chapeaute ça, puis eux autres ils savent ce qu'ils font quand ouais, même. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est juste vraiment bien fait. Allez voir ça, c'est vraiment la valeur d'Hollywood. Puis Metro Last Light, c'était un court métrage tellement déprimant, mais tellement écœurant. Là. Ah ouais. Ben c'est que ça explique le concept de c'est quoi Metro Last Light. C'est quoi, je connais pas ça du tout. C'est un first person shooter. Ok. Mais ça commence là, tu vois, ça se passe en Russie, puis tu vois plein de monde qui sont dans la rue, puis ça a pas l'air évident, il y a l'air d'avoir un régime totalitaire dégueulasse, puis okay. Bref, un moment donné, il y a des alarmes qui partent, puis il y a un gars dans la rue, il fait comme « Hey, the apocalypse », puis là tu vois des missiles tomber, puis tout ça, puis tout le monde se réfugie dans le métro. Ok. Puis là, il se réfugie dans le métro, il essaye de rentrer. Il y a même une femme qui est avec son bébé, puis elle n'arrive pas à rentrer. Puis là, le bonhomme, un des gardes qu'il y a devant le métro, prend le bébé pour l'amener à l'intérieur, puis laisse la femme à l'extérieur. Ah, ouais. Les portes se ferment, puis tu les entends crier, puis brûler, tu sais. C'est vraiment hardcore, là, mais ouais. C'est tellement écœurant, là, ça te marque. C'est vraiment bien fait, c'est bien réalisé. Puis moi, le jeu, ben franchement, tu sais. Ben, il m'intéresse, mais tu sais, il m'intéressait pas tant que ça avant d'avoir vu ça. Puis là, maintenant que j'ai vu ça, là, je veux tellement jouer, là. Ça avait fait la même affaire pour Resistance, le troisième. Il avait fait un bon trailer au départ avec, tu sais, l'histoire puis tout ça. Ça te mettait dans le mood, tu savais exactement dans quoi tu t'embarquais. Puis je trouve que c'est plus intéressant que de voir juste une histoire qui est racontée peut-être avec des dessins ou des trucs comme ça, tu sais. Ouais. C'est comme moins t'entends, tu dis, bah, je suis juste en train de regarder le premier cutscene du jeu, tandis que là, t'as vraiment l'impression de regarder quelque chose de gros, puis quelque chose qui se retrouvera pas nulle part ailleurs. Ouais. Puis parlant de court-métrage, j'ai remis un de mes court-métrages préférés qui est un petit peu plus vieux, c'est celui-là, Street Fighter. Ouais, je l'ai pas, je l'ai même pas écouté, j'ai vu que t'avais mis ça, là. Toi qui es un grand fan de Street Fighter, c'est... C'est fan-made, ça? C'est oui. Quoi? Okay. C'est fan-made, mais très professionnel, là. Okay. C'est une bataille entre Ryu et Ken. Puis ouais. c'est incroyable. J'ai pas déjà vu ça dans le temps. C'était en 2010, je pense que c'est sorti. Mais tu sais, ils l'ont là tellement, les moves sont exactement pareils. La chorégraphie de bataille a été écœurante. Okay. Même qu'au début, je pense que c'est Ken qui fait un mauvais rêve, puis il se souvient de sa bataille avec Akuma. Okay. Puis Akuma est vraiment bien fait, là, vraiment. Tu sais, côté maquillage, costume, puis tout ça. C'est pas cheap, t'as pas l'impression qu'il ajoute trop gros, tu sais. Ouais. C'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que. Allez voir ça. Je vais aller voir ça, certain. Yes. Moi, je voulais parler de Wizorb. Oui, mais. C'est le jeu qui a été créé par Tribute Games, une compagnie montréalaise, dont un des deux membres. Je pense qu'ils sont peut-être trois maintenant, et Jonathan Lavigne. Oui. Moi, je le connais pas spécialement, mais c'est le bon ami du gars qui a fait la musique de notre podcast, Patrice Bourgeot. Donc, je le connais par intérim un peu, puis je jase des fois un petit peu avec sur Facebook. Oui. D'ailleurs, j'ai bien hâte de le rencontrer. Il était allé à Monsieur Hunette dans le temps présenter son jeu Wizorb, qui est sorti au départ sur PC seulement. Oui. Et puis après ça, aussi dans les Xbox Live Indie Games, qui paraît qu'il est un vrai ramassis de n'importe quoi là-dedans. Son jeu avait de la misère. Il est difficile à trouver. C'est ça, son jeu avait de la misère à vendre. Puis là, après ça, c'est disponible via Steam. Là, ça a monté vraiment d'une coche, là, ses ventes, à ce qu'il a dit. Ce qu'il m'a dit. Puis là, son jeu va être disponible maintenant sur PS Vita, PS3 puis PSP. Yeah! Ça s'en vient au mois de juin. Ouais, là, ça s'en vient sous forme de mini. Ouais, c'est ça, sous forme de mini. Fait que PS3, je vais pouvoir jouer. Ouais! je vais pouvoir jouer sur ma PS Vita. En plein ça. C'est un Brick Breaker RPG, tu sais. Donc, pensez Arkanoid / Village de Zelda. Là, c'est assez particulier. Je trouve que c'est un beau concept. C'est vraiment un beau concept. C'est très créatif. Puis c'est du talent d'ici, donc ça vaut la peine, je pense. Moi, je vais le laisser à coup sûr, là, maintenant qu'il est disponible sur une plateforme que j'ai. J'ai un ordinateur, mais je suis pas capable. Ça m'intéresse pas de m'asseoir. Toute la journée, je suis à mon ordinateur, fait que le soir, je veux plus jouer sur mon ordinateur. Donc, moi, ce que j'espère pour la version de Wizorb à PS Vita, j'espère qu'ils vont... C'est tellement rare que je vais dire ça, là, mais j'espère que tu vas pouvoir contrôler ton paddle avec le touchscreen. Parce que ça irait tellement bien. Ah, là. Sûrement. Parce que contrôler un paddle sur une croix, là, ça va pas tout le temps bien. Mm-hmm. C'est vraiment difficile d'avoir de bien gauger parce que des fois, c'est ça, ton pad il prend comme une légère accélération quand tu vas trop vite. C'est pas évident. C'est pour ça que la boule sur la machine d'arcade, d'Arcanaïde, ça fonctionnait tellement bien. Là. Ah ouais, c'est clair. Fait que je me dis, bon, ça serait peut-être une option. Puis moi, j'ai parlé aussi de son premier jeu, Ninja Senki. Oui. Je voulais vraiment, et c'est disponible sur PC, c'est gratuit. Puis okay. Moi, je voulais qu'il le fasse, tu sais, sur 3DS. Tu sais, j'ai comme, sors-nous donc ça sur 3DS. Ça serait vraiment un petit jeu parfait sur ça la 3DS. Serait parfait. C'est comme un genre de Mega Man, sauf bloqué, là, tu sais. Mais il dit que c'est vraiment compliqué, là. Puis, tu sais, ça prend beaucoup de temps, et tout ça. Fait qu'il peut pas. Mais en tout cas, si jamais... Mais il aimerait ça parce que c'est un gros fan puis il a travaillé aussi quand il était chez Ubisoft beaucoup sur les consoles portables de Nintendo. Il a développé des jeux de Game Boy Advance. Ça paraît dans son travail. Ça paraît quand totalement même, là. Dans son travail. Là. Il est vraiment... Il trippe animation puis il trippe rétro. Donc... En tout cas, ça fait le tour. Hein, mais achetez ça, Wizard. Encouragez le talent d'ici et faites que Tribute grossisse. Fait que moi, j'ai cette semaine joué à Max Payne 3. Ben oui, j'ai vu ça sur le blog. T'as ajouté un cartoon. Tu jouais beaucoup à Max Payne 3. Ouais, un peu trop. Ouais. Vous irez voir ça, il y a un cartoon sur... Ben, de toute façon, allez voir nos cartoons sur Rétro Nouveau. Section cartoon. Ouais, il y a du temps qui est passé là-dedans. Ouais. C'est ça, bref, j'ai joué à Max Payne 3 en masse. Puis c'est vraiment... C'est vraiment une suite puissante, puis je m'attendais à quelque chose de le fun, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi que ça. Ouais. Dans Max Payne, on incarne évidemment Max Payne, puis c'est plusieurs années après le deuxième jeu. Dans le deuxième jeu, qui était au PlayStation 2. Qui était au PlayStation 2. Il y avait vraiment une ambiance de film noir, tout ça, comme dans le premier. Mm-hmm. Puis, finalement, dans Max Payne, ta femme et ton enfant se sont fait tuer brutalement par des mafieux, il me semble. Okay. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, t'es à la déchéance. Là. C'est la déchéance. Puis t'es un policier. Ah, puis t'es un des meilleurs policiers. C'est un peu comme pas. Personnage, ça, des policiers déchéants. Oui. Comme dans Sin City, là, tu sais. Puis qui d'autre, là? En tout cas, tu sais, des policiers à long trench coat qui pendouillent, qui boivent, qui fument, qui mangent pas, là, tu sais, qui dorment. Ah, moi, j'ai tout le temps aimé ça. C'est vraiment badass, ton personnage. J'aime bien ça, moi. Là. Mais Max Payne, ça a tout le temps été une série qui a été reconnue pour son côté... en anglais, ils disent « gritty ». Ouais. Puis en français, on pourrait dire c'est un peu sale... caboteux, tu sais, que c'est un anti-héros, Max Payne. Ouais, c'est ça. Sauf que, dans le premier puis dans le deuxième, Max Payne, c'était quand même un gars, tu sais, clean cut, beau gosse, avec de la classe, t'sais. Dans le premier, ça? Dans le premier et dans le deuxième. Ah, ouais. Dans le premier, il avait l'air d'un gamin, ben franchement. Ah ouais, okay. C'était-tu au PlayStation 1, ça? C'était au PlayStation 2. 2, OK. Ouais, c'était au PlayStation 2, il y avait Max Payne. Puis après ça, il y a eu Max Payne 2, The Fall of Max Payne. OK. Puis, bref, dans le troisième, on se retrouve à un Max Payne un petit peu plus vieux qui a décidé de mettre tout ça derrière lui puis de s'en aller au Brésil. OK. Puis, il s'est trouvé un job comme garde du corps. OK. Puis, il est garde du corps dans une famille totalement riche où tu as des espèces de stéréotypes là, comme la fille elle fait penser un peu à Paris Hilton là. Ouais. Des gens sans saveur qui ont énormément de cash qui font énormément de drogue puis énormément de conneries avec leur argent. Ouais. Puis lui il doit protéger ces gens-là. Ouais. Puis ça le fait ça chier le cœur, sans bon sens. Puis il continue à boire, il continue à être sur les antidépresseurs, fait que tu vois que le personnage est toujours aussi massacré par sa vie là. Puis tu le vois aussi dans sa façon d'être un garde du corps, parce que même quand il est sur la job, il continue à boire. Fait que c'est un gars qui est pas 100% sa coche, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'adore de Max Payne, c'est que tu sais, t'as un héros qui est là, mais qui boite, il fait ses affaires, mais ça fonctionne pas super bien. Ça fonctionne jamais super bien, tu sais. Ouais. Puis le jeu, je vais en parler aujourd'hui, mais j'ai pas terminé le jeu encore. T'en as fait la moitié, à peu près. J'en ai fait un peu plus que la moitié, puis c'est un jeu que je savoure vraiment lentement. Évidemment, j'ai pas eu juste ça à faire, mais c'est pas le genre de jeu que j'aimerais finir en une soirée parce que j'aime vraiment, ouais, vraiment beaucoup ce jeu-là. Ah, ouais, puis l'histoire est écœurante. Puis moi, j'ai l'habitude d'un jeu. J'ai pas l'habitude d'avoir des bonnes histoires. Je trouve qu'il y a, rarement des bonnes histoires d'un jeu vidéo. Puis dans Max Payne, l'histoire est hallucinante, est vraiment bonne. Les cutscenes sont écœurantes, justement. Ils doivent pas être très longs. Ça, ben, c'est quand même assez long. C'est ça parce que tu parles de bonnes histoires, puis Metal Gear Solid 4, c'est que bonnes histoires, ouais. Et puis des cinématiques au max. Exact. Là, puis ça, t'haïssais ça. Mais ouais, dans Max Payne, ça. T'aimes ça. C'est peut-être dans Max plus Payne, parce ce que j'aime, c'est parce que c'est plus dynamique. Ouais. J'ai plus de sympathie pour le personnage principal. Solid Snake, je m'en fous de lui. Solide, là. Il est cool, Solid. Cool, mais je m'en fous pareil de sa cause, tu sais, parce que c'est comme une cause fictive, tandis que Max Payne, c'est quelque chose qui pourrait t'arriver, tu sais. Ouais, je sais pas, j'aime tout le temps plus le gars qui mange une volée puis qui est pas parfait le bonhomme qu'il est dans l'armée, il est parfait, il est clean, il est merveilleux, tu sais, comme dans Vanquish, le gars, tu sais, le héros de Vanquish, c'est un douchebag, là. Mais j'adore le jeu, mais ça marche parfaitement pour ça. C'est cheesy puis tout, c'est pas le genre d'histoire qui m'attire. Mais anyway, dans Max Payne, la façon que ça a été traité aussi, ils ont traité l'image un peu comme ils avaient essayé de faire dans Kane & Lynch 2, avec des espèces de flicker vidéo, puis des fois, t'as des trucs que Max va dire qui se retrouvent à l'écran. Mm-hmm. Fait que t'as vraiment un côté film super intéressant. Ça ressemble un peu au film Domino, qui était un vieux film avec Kate Winslet, un film d'action. Qui est quand même assez intéressant, mais franchement, là, si vous voulez l'écouter, je pense qu'il est sur Netflix. Okay. Mais côté visuel, étant graphiste, c'est vraiment un film qui m'a attiré parce que visuellement, c'est vraiment beau. Puis c'est ça, Max Payne ressemble un peu à ça. Puis maintenant, Max Payne, c'est un jeu de gun, c'est un jeu de tir à la troisième personne. Okay. Puis le tir dans Max Payne 3 a été tellement amélioré des deux autres jeux, c'est incroyable. Okay. Contrairement aux deux autres jeux où notre énergie se régénérait tout le temps, dans celui-là, quand tu te fais tirer, ton énergie, elle se régénère pas. Elle se régénère un petit peu, mais c'est vraiment lent, là. Okay. On pourrait dire que c'est quasiment comme si on avait fait ça réaliste, tu sais, je veux dire, si tu manges une volée puis que après ça tu te reposes un peu, c'est sûr que tu récupères un peu, mais tu récupères pas tant que ça d'une balle, tu sais. Non. Fait que c'est pas tant que ça. Il me semble, c'est ça, tu sais, je suis passé par là, non, tu sais, je connais pas ça là, mais j'imagine que c'est de même. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est moins facile, tu as besoin d'être pas mal plus tactique, de te cacher un peu plus pour tirer. T'es beaucoup plus vulnérable qu'avant. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que dans les autres, tu pouvais littéralement dans foncer Max Payne, dans là, tas, ouais, puis foncer puis that's it. Ouais. Après ça, le bullet time, tout le monde parle du bullet time, c'est la signature de Max Payne. Le bullet time a été amélioré. Maintenant, quand on fait le bullet time, c'est intéressant, sauf que c'est pas la seule chose qui est intéressante. Ils ont fait le bullet time qui est amélioré dans le sens où les contrôles vont un peu mieux pour pouvoir tirer les gens qui sont autour de nous. Mm-hmm. Puis c'est un peu moins facile parce que la visée se barre pas automatiquement sur tes ennemis. Okay. C'est une visée qui est, comme ils disent, une visée... je pourrais dire que c'est une visée t'sais, semi-automatique dans le sens que ça va viser en direction du personnage, mais ça irait pas directement sur sa tête. C'est ça. C'est pas... Tu vas être proche du personnage là, au moment de commencer à viser. Dans c'est le fond. Ça, exactement. Puis la plupart du temps, tu vas le pogner dans le ventre si tu fais ça, ce qui donne pratiquement rien. Là. Okay. Le personnage, ça ne fera pas grand-chose. Fait qu'ils ont mis ça, le bullet time. En plus du bullet time, ils ont mis quelque chose qui fait qu'à toutes les fois que tu tires ton dernier ennemi, tu vois ton dernier ennemi crever au ralenti de proche pendant que les balles y plombent dans le corps. Puis tu peux même continuer à tirer pour pouvoir tirer encore plus de balles dans son corps puis voir toute la violence dégueulasse, le gore qu'il y a là-dedans. Puis c'est vraiment bien fait parce que tu tires à quelque part dans le corps puis je dis ça rentre puis ça sort de l'autre côté. Il y a du... C'est pas... Tu sais, c'est graphique, mais en même temps, c'est pas trop pire. Mais t'as l'impression littéralement qu'il y a des bouts de viande qui sortent. Ouais, là, c'est petit peu gory, mais c'est vraiment bien fait. C'est le fun aussi parce que ce truc-là, quand tu ralentis puis tu tires dans le joueur, puis c'est vraiment, t'as une satisfaction écœurante, puis c'est de la surviolence, là, mais ça fit avec le jeu. Ce qui est le fun, c'est que quand tu tires sans bon sens dessus, tu perds pas tes balles à ce moment-là. Ah ouais, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit, juste, là, ouais, tu te défoules, là. T'es comme, tiens, Colin, ça fait 10 minutes que je suis là, j'essaie c'est de te poigner, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Puis ouais, ils ont aussi ajouté, évidemment, une chose qui fait que t'as le bullet time, mais statique. Admettons, t'es juste debout puis tu veux ralentir le temps pour pouvoir tirer sur tes ennemis, mm-hmm, comme il y a dans plusieurs jeux. Donc ça, ils l'ont acheté. Donc beaucoup d'options au niveau du bullet time. Maintenant, le jeu de tir, vraiment bon. La visée, comme j'ai dit tantôt, c'est excellent. Une visée qui va aller vers le joueur, mais évidemment, si on veut, on peut l'enlever complètement ou on peut rendre ça plus facile pour qu'il vise presque directement sur la tête. Okay. Une autre chose que j'ai aimé, c'est que si tu y tires dans le pied, il va se pogner le pied et avoir mal au pied, mais il va quand même ramper pour essayer de te pogner après. Okay. L'intelligence artificielle est excellente dans ce jeu-là. J'ai rarement vu ça parce que tu, comme je t'ai dit tantôt, tu es vulnérable. Fait que tu te mets tout le temps à couvert. Sauf que quand tu te mets à couvert, tu peux pas juste faire comme bon, ben, je les attends toutes, puis ben, ils vont sûrement se lever derrière les caisses, puis je vais pouvoir les tirer. Ouais, ouais. Pendant que tu tires, les trois autres qui sont dans le fond, tu en as deux autres qui ont fait comme go, go, go, puis sont allés vers le contour du tableau pour t'éviter, pour que tu évites de les voir. T'sais. OK. C'est génial, ça. Ouais, ouais, c'est quand tu fais OK, c'est vraiment des togs intelligents. T'sais. Tu fais pas juste te parker en arrière de ta roche, puis t'attends genre que c'est tout ça. Le monde soit en position, puis t'es shot un par un, puis eux autres, ils bougent pas de là. Non, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, côté intégration de l'histoire, quand je disais tantôt les cutscenes, puis ça, c'est que souvent, les cutscenes ne durent pas si longtemps que ça. Puis quand ça dure, tu continues à jouer en même temps. Ouais, OK. Fait qu'il y a un mélange vraiment des deux qui est vraiment réussi. C'est sûr que si l'histoire t'intéresse pas du tout, c'est un peu plate, ben franchement, mm-hmm, que l'histoire t'intéresse pas du tout parce qu'à ce moment-là, ça devient juste un jeu de tir. Puis je trouve c'est ça pas poche. C'est le but là, de l'expérience de jouer à Max Payne 3. Là. C'est ça. C'est vraiment une expérience cinématique. Puis, ouais, tu sais, c'est Dan Houser qui est derrière ça. C'est le gars qui écrit Grand Theft Auto et tous ces jeux-là, qui a écrit, entre autres, Red Dead Redemption. Ouais, ouais. Tu sais, ces gars-là, vraiment, tu sais, Rockstar, je l'ai souvent dit, là, c'est on dirait que c'est des gars qui sont allés à l'école pour faire du cinéma. Puis que finalement, ils ont fini par faire des jeux vidéo, mais ils ont gardé cette essence-là qui est d'être réalisateur, d'être bon scripteur, puis là-dedans, ça paraît à 100%. La musique, excellente. Il y a toujours la narration de Max Payne qui est super bonne aussi. Ah oui. Puis, il y a une évolution aussi sans arrêt du personnage. Le personnage, tu vas le voir évoluer, puis tu vas voir aussi des flashbacks. Fait qu'il y avait du monde qui avait peur. Ils se disaient « Ah, là, ça se passe au Brésil. Tout est ensoleillé. C'est plus aussi film noir qu'avant. » Ouais, c'est ça. Mais un moment donné, t'as comme un flashback pour savoir qu'est-ce qui fait que t'as cette job-là maintenant, puis t'es avec ce dude-là que t'as jamais vu dans les autres jeux. Ouais, tu le découvres tranquillement. Là. C'est ça, tu c'est le découvres cool. Tranquillement. Puis tu retournes en arrière, puis t'es encore dans l'espèce de ville. Je pense qu'il était à New York. Puis tout est des mêmes couleurs que les deux premiers jeux avec la neige, puis il y a son trench coat pareil, ouais, avec sa petite coupe pareil, puis tu vois comment il a changé, tu vois aussi à un certain point que là il va se raser la tête puis tout ça, okay, mais à la place de juste faire un tableau, bon, ton personnage a changé, maintenant il a la tête rasée puis t'es rendu là, tu vois lui qui arrive puis qui fait comme bon, là, je t'écœuré, il me faut un changement, c'est tellement atroce, tout froid, puis tout, tu le vois se raser la tête, puis il se rase même pas la tête comme du monde, c'est super laid, c'est manqué, il y a des petits bouts de cheveux tout croche, c'est débile, tu sais, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, le personnage est hyper attachant, l'histoire est écœurante, la musique super bonne, puis le gameplay est juste solide, des jeux de tir comme ça, ça existe pas. Puis il y a un multijoueur aussi auquel j'ai pas touché pantoute encore, okay, mais on me dit que le multijoueur est vraiment bon. Parce que entre autres, ils ont ajouté un mode multijoueur que tu joues en gang, puis c'est des gang wars finalement, okay, des guerres de clans. Puis ça, c'est quand même assez intéressant, puis tu peux même utiliser le bullet time en multijoueur. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Sauf que Rockstar a jamais été un développeur de multijoueur en tant que la façon que tu me parles du jeu, là, on dirait que c'est vraiment pas fait pour être multi. C'est pas ça, en tout, là, exact. Un jeu de même, là, ça a l'air qu'il est bon, le multijoueur, mais ouais, tu sais, en même temps, moi, je joue à leur jeu pour le single, puis je pense que tout le monde fait ça aussi. Ouais, t'achètes pas ça pour jouer en multi, nécessairement. Il y a c'est d'autres ça. Jeux multi qui torchent. Ouais, qui doivent être plus agréables, disons. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis dernier petit point sur Max Payne que j'apprécie énormément, c'est que on change de ville, de location sans arrêt. Okay. À tous les tableaux, on est à quelque part d'autre tout le temps. On voit comment qu'on fait pour faire la transition entre les deux, mais on est tout le temps ailleurs, on est tout le temps dans une autre place. Puis ça, c'est vraiment trippant parce que justement, t'es pas blasé, t'as pas les mêmes environnements tout le temps. On te fait parcourir le monde, puis c'est vraiment cool, vraiment bon. Fait que, en tout cas, je vais arrêter ça là. J'en parlerai vraiment pendant 3 heures, ça sérieux. Fait, là, ouais. Fait que achetez ça, c'est sur PS3, sur 360. Je pense qu'il est pas encore sorti sur PC, mais ça devrait pas tarder. Il est 60$, puis ça vaut chaque scène que vous mettez dedans là. C'est solide là. Wow. Alors, non. Oh, je pense qu'on va le garder. Oui, on le garde. C'est fait. Bon, je vais vous parler de Monster Tale, un jeu de DS. Ouais. C'est un jeu qui m'a pris totalement par surprise. Ouais. Parce que c'est pas un jeu vraiment connu, ça, je pense. Non, ben moi j'avais fait la critique émotionnelle. Ouais. Puis c'est ça, puis Monster Tale était un peu sorti d'une part. Moi, quand j'ai demandé à Claude Arson de commander le jeu, parce que sur la pochette, c'était écrit Most Underrated DS Game Ever. T'sais. Ah ouais, wow. C'était écrit ça, je pense que c'était comme IGN ou Kotaku qui avait écrit ça, puis il avait mis ça sur la pochette. OK. Puis là, je disais comme OK, t'sais, puis c'est passé complètement sous le radar, il n'y a personne qui en a parlé. Ben, ils ont totalement raison, c'est vraiment underrated comme jeu. Là, oui. Parce que, écoute, c'est vraiment bon. C'est en gros l'histoire d'une petite fille. Elle se réveille la nuit, puis elle sent le besoin d'aller voir dans la forêt qu'il y a quoi qui l'attire. Ouais. Là, elle trouve un bracelet par terre. Là, elle met le bracelet, puis whoop, elle se transporte dans le monde des monstres, dans le fond. Puis là, petit à petit, à travers ce grand univers des monstres-là, tu découvres qu'il y a d'autres enfants qui sont venus auparavant aussi, qui sont devenus des rois. Ouais. C'est devenu des enfants rois du monde des monstres. Puis ils contrôlent les monstres pour satisfaire leurs propres besoins d'enfants. Ouais. Comme il y en a un, il dit « Ah, moi, là, personne jouait avec moi quand j'étais de l'autre côté. T'sais. Maintenant, dans le monde des monstres, j'ai plein de monde qui joue avec moi. » L'autre, il dit « Ah, moi, j'étais un nerd puis personne m'aimait. Ben, ici, dans le monde des monstres, je crée des choses. » C'est comme un monde d'enfants. Il n'y a aucun adulte dans ce monde-là. C'est un monde d'enfants. Puis les enfants, genre, qui n'étaient pas heureux. Puis dans le monde des monstres, ils prennent le pouvoir des monstres puis abusent d'eux autres. Ouais. Puis c'est un monde d'enfants rois, finalement. Ouais. Mais toi, t'es totalement pas roi. T'es une fille. Non, t'es neutre. T'es là. Neutre au max. Ouais. Fait que tu commences, puis tout de suite, tu trouves un œuf, un petit coco qui craque, et puis là, il sort une genre de petite bébite flottante rouge, bien cute. Ouais. Puis elle décide de l'appeler Chump. Oui. Puis dans le fond, Chump, c'est ton minion qui te suit tout le long là, du jeu. Oui. Alors, ce jeu-là, c'est, je trouve, totalement un Metroidvania. Ah, c'est exactement c'est, ça. C'est là. Vraiment ça que c'est. Là, en 2D, mais avec beaucoup de profondeur en arrière. Des belles animations. Les animations, c'est malade. Oui. La fille, elle a des moves, elle a des combos d'attaque. Excuse. Que tu acquiers au fur et à mesure que tu joues. Au début, tu n'as presque rien. Tu fais juste « piou, piou » tirer avec ton bracelet. Puis à la fin, tu as des attaques de mêlée. Là, ouais. Puis tu en as, tu en débordes, puis tu en débordes. Là. Fait qu'elle a comme un petit pack-sac. Puis elle se met à faire des combos de pack-sac puis de kick. Là, ça, c'est très important de faire ça. Ben, je vais l'expliquer plus tard là, pour l'armement. Mais c'est ça. Donc, mais tout ça est hyper bien animé. Ouais. La musique est vraiment le fun. Le background est hyper profond, tu sais. Puis la map, c'est comme Symphony of the Night, tu sais. C'est section par section. T'as le monde, un genre de monde où est-ce que c'est un club disco de monstres. Ouais. L'autre, c'est juste la vallée. L'autre, c'est la glace, tu sais. Bon. C'est toujours très coloré, là. C'est vraiment... Oui. C'est un jeu qui est coloré, là. C'est pas drabe. Non, pas du tout. Puis dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est buter le boss de chacun de ces mondes-là. Oui. Puis tous ces boss-là sont, dans le fond, des enfants qui, eux aussi, ont un minion, tu sais. Oui. Puis le gros feature de ce jeu-là aussi, c'est que ton minion, il prend de l'expérience. Tu le nourris. Tu le nourris comme tu le nourris avec tout ce que tu trouves tout le temps. Puis quand tu joues sur l'écran d'en haut. Puis dans l'écran d'en bas, au début, moi, je suis comme, ben, mettez la map en tout temps, là, ça serait bien le fun d'avoir ça. Mais c'est parce que l'écran d'en bas, c'est un shrine. Ouais. Où est-ce que quand tu payes sur X, ton monstre, il descend en bas, Puis là, il va ramasser tout ce que tu as trouvé, tu sais, ça se ramasse là. Puis là, mettons, tu trouves un livre, là, il lit le livre, puis là, il gagne l'expérience, tu sais. Ou quand il est magané, ben, tu l'envoies en bas, puis là, sa life, elle remonte, tu sais. Oui. Il y a même des fois des ennemis qui t'envoient de la merde en bas. Oui. Il faut que tu envoies ton monstre en bas dans ta chaîne, tu sais, pour cleaner la merde. J'ai trouvé ça vraiment le fun de jouer sur ces deux paliers. Oui, des c'est fois, vraiment une bonne utilisation. Il y a des switches aussi en bas qu'il faut qu'il aille actionner en bas, oui. Tu sais. C'est super, c'est vraiment une bonne idée d'utiliser ça comme ça. Puis c'est ça, Chump, ton monstre, il prend plusieurs formes. Au début, c'est un bébé. Là, il y a une forme adolescente, puis il y a une forme adulte. Là, je suis rendu là, tu sais. Oui. J'ai fini. Parce qu'au début, il y a même, il me semble qu'il y a juste deux bras, tu sais, il n'y a même pas de pieds. Ouais, il y a deux petites ailes, il n'y a presque rien. À la fin, il est un gros, là. Il est comme là. Sur la pochette. C'est une grosse là, affaire qui flotte autour de toi. C'est vraiment badass. Puis chacune de ces évolutions, t'as trois vraiment, c'est bien fait dans le menu. T'as trois arbres, des branches, tu sais. Puis tu en as un qui. Puis t'as petit, ado, puis adulte. Oui. Puis à partir de chacune de ces branches-là, ça descend vers le bas. Puis ça fait encore trois autres branches, puis trois autres branches. C'est ça, c'est pas comme ta game sera pas nécessairement pareil que la mienne. C'est notre ça, évolution c'est sera pas la même. Ça dépend de ce que t'as envie de le faire évoluer, tu sais. Moi, j'aimais bien le faire évoluer en adulte, genre en brawler, tu sais, parce qu'il cogne partout. Mais tu peux le faire aussi évoluer en adolescent, super intelligent, tu sais, qui fait de la bonne magie, puis tout ça. Fait que c'est toi qui décides. Puis c'est ça, c'est vraiment tu fais monter son expérience en butant des monstres. Fait que ça c'est vraiment vraiment cool là. Tu sais, ça rajoute beaucoup de profondeur au jeu. Sinon quoi, c'est ça, tes power-up, toi tu te mets à blaster avec ton bracelet, t'as des combos d'attaque vraiment badass. Puis ce que je trouve un petit peu plate au niveau des ennemis par exemple, c'est que c'est les mêmes qui reviennent de monde en monde. Ils font juste changer de couleur puis être un petit peu plus long à buter là, tu sais. Ça j'ai trouvé ça un petit peu plate. Puis l'autre affaire plate, c'est vraiment le fail du jeu, là, disons, là, c'est le backtracking. Le backtracking. C'est l'enfer. Comment... Puis, mettons, t'es dans le monde de la vallée, puis là, ils disent « OK, bravo, maintenant, t'as acquis le pouvoir d'être capable de blaster à distance avec ton bracelet. » Fait que là, va ouvrir la Switch la à l'autre bout de la map. Là, tu traverses toute la map pour ouvrir la Switch. Là, c'est « Bravo, maintenant, tu peux passer dans l'autre monde du milieu. » Là, tu reviens dans le monde du milieu. Fait que là, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps en train de checker ma map en passant sur Start, tu sais, puis à savoir où est-ce que je suis, puis tout ça. Ça, c'est vraiment, vraiment... C'est vraiment plate. J'ai l'impression qu'ils sont un peu cachés derrière le fait que eux, ils disent... où il faut qu'on s'en aille, tu sais. Tandis que des fois, comme mettons dans un Castlevania, dans Symphony of the Night, c'est ça, tu vas chercher, là, tu cherches comme un malade. Tu sais pas elle, où là, la petite porte qu'il faut que tu ouvres. Fait que tu sais, eux autres, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, tu sais, on le dit. Mais moi, ce que j'ai moins aimé, c'est que c'est correct de faire du backtracking, mais c'était vraiment là, c'est comme s'ils disaient, on a 100% de la map là. Ben là, t'étais complètement à droite de ta map. C'est ça. Là, va-t'en complètement à gauche. Va pas au milieu, là. Tu vas complètement à gauche. Ben, ça, si t'essaies d'aller au milieu, c'est le chemin est barré, tu sais. Oui! Mais c'est ça, tu découvres la map rapidement, puis ils te font gosser de gauche à droite, en bas, en haut, à travers la map tout le temps, tu sais. Puis, mais s'il y avait de quoi, de je sais pas, un bonbon à la fin, mais non, c'est juste aller actionner non, le Switch, tu sais, genre, ben des fois, pogner un power-up. Puis le move, il est super rapide, tu sais, tu le fais, tu fais comme... OK, c'est ouvert. C'est tout. OK, à ça, retourne l'autre bord. Ça, c'est vraiment tannant, là. Vraiment, vraiment. Mais sinon, c'est ça. Il y a une shop où un petit bonhomme qui te vend des trucs. Ouais. Là aussi, tu peux acheter du gear pour ton pour chump, pour le faire grossir. T'achètes des nouveaux moves, t'achètes plus de life, t'achètes ton bracelet chaud plus fort, tu sais. Ouais. Fait qu'en battant les monstres, tu ramasses des scènes, c'est avec ça que tu payes. Fait que, moi, j'ai fini le jeu. Du début à la fin, j'ai trouvé ça génial. Écoute, c'était un jeu vraiment, à mon avis, là, parfait, parfait. C'est un jeu de même. Moi, j'adore ça. Mais le backtracking. Le backtracking, quand même, c'est rough. Là. Ça fait très mal. Là. C'est ça qui l'empêche d'être dans mon top 10 à venir jusqu'à la date. Là, mais il serait 11e. Là, c'est vraiment, j'adore ce style-là. C'est super bien réalisé. C'est super trippant. Je trouve que c'est. Par contre, c'est ça, juste l'évolution de Chump. Moi, c'était ça qui me valorisait tout le temps. T'sais, j'étais comme, qu'est-ce qu'il va devenir? Puis, tu n'as aucun indice nulle part de ça. Tu peux pas savoir de quoi il va avoir l'air. Puis, quand j'avais lu ce jeu, c'était ça qu'il disait. Il disait, tu sais, il y a tellement de variantes de Chump que c'est pratiquement impossible, si toi et tes amis, vous avez le jeu, d'avoir le même, tu sais. Puis, non seulement ça, cool. Chump, il master des choses, comme, mettons, il va être Protection from Fire, ou bien plus résistant à l'eau, ou bien plus fort en attaque de vent, tu sais, ou je sais pas quoi. Ben là, il peut masterer ces choses-là. Puis après ça, si, mettons, t'as ton Chump adulte, tu peux le remettre adolescent tant que tu veux, ou tu peux le remettre un enfant puis décider d'aller booster l'autre branche de l'arbre, tu sais. Tu peux constamment changer sa forme, ça. Ouais. Puis t'équipes ses magies aussi. Si tu développes une magie adulte de glace, ben tu peux équiper le bébé, tu sais, avec cette même magie-là. Sauf que quand tu vas actionner la magie, ton petit bébé va se transformer en gros monstre. Le temps d'effectuer la magie elle-même, puis après ça, il va revenir sous sa forme. Mais ça, ça permet aussi de faire évoluer plus rapidement les branches faibles de ton arbre. Fait que ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec lui, là, dans le fond. C'est génial. Fait que c'est un excellent jeu. Foutu bon jeu, un très bon jeu de DS, vraiment, là, underrated. Je sais pas si ça se vend 9, ça, encore. Ça doit être dans 40$. Ouais. Mais j'ai regardé vite fait sur eBay, Amazon, tout ça, puis j'ai vu à 10$. Fait que, ouais, si ça fait quand même. Je pense qu'il est sorti en 2010. Mm. Fait que... Ça fait pas si longtemps, ça fait juste 2 ans. Donc, attendez-vous à ce que ce jeu-là prenne beaucoup de valeur, je pense, avec les années. Fait que c'est le temps de l'acheter à 10$. Là, t'sais, vous avez pas mal de gameplay pour 10$ sur votre DS. Là. Ouais. Ça vaut totalement la peine. Donc, on s'en va en musique avec Mighty Switch Force, la toune Love You, Love You, Love sur la 3DS. We'll be right back. Raconte-nous ça, mon garçon. Yes, yes. Moi, cette semaine, j'ai joué à Slingshot Racing. Pourri. Hey, non, j'ai joué, moi, avec tantôt, ouais, pendant que t'étais à la toilette. Yes. J'ai bien aimé ça. Ouais. Explique-nous ça. Ben, regarde, Slingshot Racing, là, on pourrait penser qu'on pogne notre char dans un slingshot puis on le pitch. Ouais. Mais c'est pas ça. Puis c'est un peu drôle que ça s'appelle Slingshot Racing. Parce que ce que c'est, en fait, c'est que c'est un jeu de course dans un univers totalement steampunk. Puis c'est vu de haut. C'est comme une espèce de course vue de haut. Tu vois ton circuit. Puis il y a des points d'ancrage sur tous les coins de la course. Ouais. Fait que quand on pèse sur l'écran de notre console iOS, ça envoie un cordon sur le point d'ancrage, puis ça nous tient. Fait que dans le fond, c'est ça comme... Ça fait tourner le char. Ton cordon te tient, puis ça fait tourner le char dans le bon angle, puis tu lâches quand tu veux lâcher le cordon. Puis parce que ça avance tout seul, tout le temps. Là. Tout ce que vous faites, c'est contrôler comment vous faites tourner votre véhicule, ouais, dans le fond. That's là. It. Plus longtemps que tu le gardes comme attaché à son point d'ancrage, ben là, il va frapper dans la bande quand il va essayer de tourner. Puis si tu le tiens passé, ben il va aller vers l'extérieur. Fait que tu essaies tout le temps, dans le fond, de le garder dans le milieu de la piste. Ouais, c'est ça. Tu essaies de le garder dans le milieu de la piste. Puis aussi, des fois, tu as des boosts qui se retrouvent à certains endroits dans le milieu de la piste. Fait que tu es comme, ah, je veux le pogner le boost. Ouais. Fait que tu essaies d'être. Tu le gardes un petit peu plus longtemps attaché au coin. Ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est un jeu, tu sais, c'est ça. Dans le fond, tu te pognes avec ton grappin, puis that's it, puis tu réussis. Pis c'est un jeu que, excusez-moi, la bière rentre vite. Ouais, on voit de la bière, Mais non, c'est ça. C'est que, ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que la mécanique de base est écœurante. Elle fonctionne à merveille. Puis ils font quand même évoluer le jeu. Ouais. Ils rajoutent d'autres affaires. T'as d'autres types de courses. T'as des courses où il faut que tu respectes un temps précis. T'en as d'autres où t'es avec trois autres courseurs. Puis t'en as d'autres, il faut que tu ramasses, ils appellent ça des cogs. Il faut que tu ramasses des espèces de petits boutons sur la piste. Fait qu'il faut vraiment que ton angle soit précis. Là. Ouais, des washers, comme on dit. Ouais, des washers. Tu viens de t'acheter une maison, toi? Tu vas en mettre des washers dans une maison. Ça va être le temps d'aller à la quincaillerie. Fait que c'est ça. Fait que tu ramasses des washers. Puis l'autre affaire que tu fais, un moment donné, t'as comme une espèce de gros camion destructeur qui suit... toutes les chars. Okay. Fait qu'il faut que t'ailles le plus vite possible pour jamais te faire pogner par lui. Batarnache. Il fait peur, lui. Ah non, c'est violent. Mais c'est vraiment le fun. Ça change quand même d'environnement une fois de temps en temps. Puis c'est très beau. La musique est le fun. Ça coûte 99 sous. C'est rien. C'est rien. Puis en plus de ça, il y a un multijoueur. Puis le multijoueur, ce qui est le fun, c'est que c'est un multijoueur local. C'est un multijoueur. Moi, j'ai joué à ce jeu-là sur un iPad puis sur un iPhone. Parce que quand tu achètes le jeu, si tu l'achètes sur iPhone ou sur iPad, t'as l'autre version automatiquement. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Puis, la façon que ça marche à 4, c'est que dans les 4 coins de l'écran, t'as un bouton. Fait que chaque couleur de char a son bouton. Okay. Fait que tout le monde peut jouer. Tout le monde est sur le même device. On regarde le device par-dessus, puis tout le monde pèse. Le monde pèse au bon moment. C'est une bonne idée. Ça fonctionne. Ouais. C'est ça le pire, c'est que ça fonctionne super bien. Même sur un iPhone, ça fonctionne. Fait que tu sais, si t'es dans un bar puis tu t'emmerdes, t'es avec un chum ou t'attends un show, ben tu peux jouer à ça, puis c'est vraiment cool. Ah ouais, j'avoue. Je trouve ça le fun, moi, des jeux iOS que tu peux jouer sur le même écran. C'est vraiment rare, puis des fois, tu sais, ça donne bien. C'est une bonne petite solution de rechange. Fait qu'en tout cas, mais Slingshot Racing. On parlait de char, mais c'est pas des chars, c'est un char? Oui, c'est un char. Ah oui, OK, excuse, j'avais mal vu. C'est comme une espèce de... Parce qu'il y a de la glace, puis tout, tu pensais quasiment que c'était une affaire à ski. C'est ça, dans celui-là, c'est vrai, dans le premier tableau, c'est comme une espèce de bolide avec des skis en dessous. OK, c'est ça. Il me semble que ça devient un char plus tard, mais je t'avoue que là, je suis un peu fourré, là, je me souviens pas exactement. Mais, c'est pas grave, le principe est le même. Le principe est le même, puis c'est super le fun. Slingshot Racing, iOS. Fait que iPhone, iPad, iPod Touch, puis ça coûte 1$. Come on, t'es cheap là si t'achètes pas ça. C'est le grand retour de Sparkster. Yes! Mais en fait, un retour que je viens de découvrir, mais c'est sorti en 2010. Ouais. Le jeu dont je vais vous parler, c'est Rocket Knight. Ah oui! T'avais essayé ça à Tremblant sur ma console. J'ai essayé ça à Tremblant, puis ça m'a fait triper. Écoute, c'était samedi matin, je me suis levé, j'étais... Moi, j'étais vraiment poké raide le samedi matin. Oui, ça paraissait. Si les autres mentionnent jamais. Moi, je me... Mais tu disais rien, fait que moi, j'étais sûr que t'étais fini, là, vraiment. Mais là, ça m'a... J'ai pris mon petit café, j'ai embarqué sur Rocket Knight, rien que pour le plaisir, parce que... Faut savoir, j'avais jamais joué avant. Faut savoir que ça a été un jeu qui est sorti sur le Genesis au départ. Oui. The Adventure of Rocket Knight. Exact. Après ça, il y a une suite qui a été faite au Genesis. Sparkster Rocket Knight 2. Oui. Puis un genre de... Pas une suite, mais une twist. Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Ben, c'est comme un... Pas un caméo, mais tu sais... C'est pas la suite, c'est un spin-off. C'est un spin-off sur le Super NES. Sur le Super NES, ça s'appelle Sparkster aussi, mais juste Sparkster, puis c'est un spin-off, c'est pas le même jeu. Puis, c'est ça, Sparkster, c'est le nom du personnage. Puis là, en 2010, c'est sorti sur le PlayStation 3, Rocket Knight. Puis moi, c'est avec ça que j'ai découvert la série. Mais paraît-il que The Adventure of Rocket Knight au Genesis, c'est vraiment l'ultime meilleur. Là, que c'était vraiment incroyable comme platformer. C'est vrai que c'est le fun. Fait que ça va venir, je vais l'essayer bientôt. Il s'en vient, il est dans mal. Donc, c'est ça. Mais au PS3, j'ai vraiment trippé. Ouais. Puis ce que je me suis rendu compte en me renseignant, c'est que c'est resté... les contrôles sont restés exactement la même affaire que le Genesis. T'es un opossum avec un jetpack puis une épée. Déjà là, c'est assez winner. That's it, gagnant, c'est gagnant. Non, mais encore une fois, c'est un animal, platformer dans la mode dans le temps, mais là, ça marche très bien. Ouais. Ton jetpack, il te fait voler dans des multiples directions, mais pas infiniment. T'as une gauge en haut, une jauge, excusez-moi. Puis, t'en as pas illimité, elle se recharge toute seule. Mais elle se remplit rapidement. Elle se remplit rapidement. Ouais. Mais t'as jamais le temps de faire... T'as comme juste un boost. Un tu boost. Comme... Tu t'en vas dans le ciel, puis tu retombes. Tu retombes. Mais tu peux pas booster deux fois. Non. Ça, t'en as pas assez pour ça. Exact. Fait que ton boost, quand tu boostes, tu pointes l'épée en avant. Ouais. Puis, ton épée aussi, tu donnes des coups avec. Elle peut tirer une genre de wave aussi, là, qui consomme du boost. Puis... quand t'es accroché à des plateformes, whatever, tu peux tourner autour là, en faisant un genre de slash attack. Tu peux sur place. Tu peux aussi. Tenir avec ta queue aussi. C'est ça, pendant que tu tiens avec ta queue, tu fais ton slash attack autour. Puis, c'est pas mal ça, les contrôles. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y en a pas beaucoup de contrôles c'est là-dedans. C'est simple, c'est un platformer. C'est jetpack. Là, puis quand tu frappes une surface, il rebondit. Ouais. Ça lui redonne de la vitesse. Donc, si tu as un mur à gauche puis à droite de toi, si tu boostes en diagonale vers le haut, tu vas faire ping, ping, ping, ping d'un bord et de l'autre, de gauche, droite, puis là, tu vas monter jusqu'en haut. À chaque fois que tu touches quelque chose, ça te pousse plus loin. Fait que ça peut aller vraiment vite puis vraiment loin. Ça, c'est vraiment le fun. Vraiment. Puis, dans les tableaux, tu ramasses des rubis bleus, des rubis rouges, de la life et puis des vies, des one-up. Puis à la fin du tableau, dans le fond, ils accumulent ça, puis ils disent bravo, t'as comme un score. Là. C'est dur de les ramasser toutes, par exemple, parce que des fois, il y en a qui sont bien cachés en arrière des éléments du paysage ou dans le ciel, très loin, tu sais. Oui. Ah, puis des fois aussi, t'es pris à cause des ennemis, là. Il y a des ennemis de toutes sortes là-dedans. Puis moi, l'affaire que j'ai appréciée de Rocket Knight, c'est pas un jeu parfait, mais ce que j'ai aimé, c'est que les ennemis étaient. Tu sais, tu pouvais avoir plusieurs ennemis différents, pas trop loin les uns des autres. Ben oui, fait que juste un qui se mâche, l'autre qui est en haut, il te pitche des bombes, là. Ouais, fait que là, t'es comme « Ah! » Là, t'essayes d'en pogner un, mais l'autre te pogne tout de suite après, fait que... Ça te demandait de réfléchir jetpack un peu dans quand le tas, même. Puis aussi, il y a une attaque spéciale en jetpackant. T'sais, quand tu repays sur le bouton, il fait une drill. Comme... Ouais, parce que des fois, t'as des murs à défoncer. T'as des murs à défoncer et tout ça. Fait que ça tue, c'est plus puissant. Ouais. Fait que ça tue les ennemis qui ont besoin de deux hits. Fait que jetpack et drill, t'sais, ça tue pas mal tout That's le monde. It. Là. Ça le fait au max. Puis t'as des tableaux dans les airs aussi. T'as des tableaux aussi en schmop que t'es vu de côté et puis que tu tires des balles avec ton épée là, dans le fond constamment. Ton boost te sert encore, mais juste à aller comme plus vite dans la direction que tu veux aller. C'est le fun d'avoir moi, une autre perspective. Moi, j'aime ça, ce combo-là, là, vraiment. Là. Puis ils l'ont refait. Puis j'ai pratiquement l'impression que c'est un hommage dans un sens. Là. Ils l'ont fait dans Rayman. Rayman Origins me fait quand même penser par bout à ce jeu-là. Parce que c'est vraiment un mix. Là. T'as un platformer, puis t'as un shmup. Ouais. Il y a vraiment un mix des deux. Puis je trouve que c'est un mix qui fonctionne tellement bien là, l'un avec l'autre. Là. Ils font à la fin de Shantae Risky's Revenge. Oui, c'est aussi. Vrai. Mais moi, tu parles de Rayman. Là, puis j'ai downloadé le démo sur la 3DS, sur la PlayStation 3. J'ai essayé. Là, Puis jamais que ça m'a accroché autant que Rocket Knight. Okay. Ben, ça marche. Je pense que c'est un très bon jeu, Rayman. Mais moi, personnellement, Rocket Knight, tout de suite, bang, ça m'a accroché. C'était plein le gameplay que je voulais. Là. C'est vraiment cool. Ben, c'est parce que c'est old school aussi. Là. C'est old school comme t'sais, gameplay. Puis il n'y a pas d'attente à cause de l'animation. Là. Rocket Knight, là, tu pèses ton bouton, là, il est parti de suite. Là. Oh, ouais, c'est ça. Il est vite. Là, il y a comme un booster pour tout. Il saute, il y a un booster. Il y a tout le temps une roquette dans le dos. Ben, c'est ça, mais c'est rapide. Super vite, c'est ça qui est le fun. Tu te promènes de gauche à droite, en bas, en haut. Tu bouges dans tous les sens continuellement. Ça va vite. Moi, c'est ça que j'aime. C'est la rapidité. Il n'y a pas de niaisage avec des trous compliqués, des mini-plateformes. C'est comme, vas-y, là, c'est big and bold. Là, mais les paysages sont super beaux. Ouais. La musique, elle... La musique du premier stage, elle fun. Vers la fin, ça, on l'oublie pareil. Ça se gâte un peu, moi je te dirais. Ça elle finit par me taper ses nerfs, la musique. Parce que. Ben, c'est répétitif dans le premier stage, Vers la fin, elle est bonne, du jeu, mais là. C'est répétitif, mais. Ça devient rough. Effectivement. Mais juste aussi pour revenir sur l'histoire vite fait, Sparkster, c'est vraiment la suite des autres parce que là, il est vieux, il est à retraite, tu sais. Mais il revient dans le fond, puis il y a des méchants qui reviennent. Il y a une alliance entre les bons puis les méchants. Oui. Puis lui, il a jamais trusté les méchants. Fait que le roi, il a dit check Sparkster, ta gueule, là. Ouais. On est avec les méchants, puis ils sont gentils à cette heure. Fait que va-t'en. Fait que là, on s'en va, tu sais. Mais finalement, les méchants, ils se rebellent, puis ils sont vraiment méchants. Fait que là, tu ressors ton vieux gear, puis tu repars les combattre. Donc, l'histoire est vraiment le fun pour ça parce que ça fait la suite. Ouais. Mais, Les boss sont vraiment le fun, je trouve. Ils sont super gros. Là. Ouais, ils sont super gros. Mais moi, ce que je trouve plate un peu de ce jeu-là, c'est qu'il est facile. Oui. Je l'ai fini en 2 heures et quelques, là. Vraiment. Je suis allé vite, là. J'ai pas tout t'es ramassé. T'es quand même allé vite, je trouve, parce que moi, j'avoue, j'ai essayé tes trophées, de ramasser j'ai les affaires. J'ai vu où est-ce que t'es rendu, là. T'en as peut-être la moitié, mais je te dirais que la deuxième moitié est beaucoup plus difficile aussi que la première. Okay. C'est beaucoup plus tricky. Ils te font passer à des places, des pics, des fils électriques, tu sais, qu'il faut pas que tu touches. Je sais pas, moi, j'essayais de ramasser tous les rubis, fait que j'étais vraiment quand même... je faisais mon possible, là, tu sais, je pas tant que ça, mais le boss de fin, tu sais, je suis mort une couple de fois, mais à un moment donné, j'ai comme catché, tu sais. Okay. C'est allé pas mal vite, je l'ai tué. Puis paf, c'est fini. Hey, c'est pas long, là, deux heures. C'est vrai. Ben, ce jeu-là coûte 15$. C'est vraiment cher. C'est trop cher pour le temps que ça dure. Mais moi, c'est ça, je l'ai eu sur le PlayStation Plus, il m'a coûté 7$. Puis ça vaut la peine. C'est ça. Parce que moi, ça faisait. C'est ça l'affaire aussi, ça faisait 2 ans que je voulais l'acheter, ce jeu-là, tu sais. Puis là, j'ai vu ça, 7$. Ok, paf, je l'ai acheté le jour 1, là, quand j'ai vu le spécial, tu sais. Ouais. Parce que c'est un jeu intéressant. Moi Sparkster, je l'ai suivi. Ouais. Quand j'avais mon Genesis, j'avais ce jeu-là. Puis j'ai vraiment trippé. J'ai joué sur Super NES aussi. Ben, je trouve que c'est comme un espèce de... Ce bonhomme-là, c'est comme un espèce de mélange entre... Il y a la rapidité de Sonic. Puis il y a les contrôles de Mario Bros. Ouais. Tu sais, les contrôles sont tellement tight. Là, non, les contrôles sens, sont parfaits. Ils sont meilleurs encore que ce qu'il y avait sur le Genesis quand c'était Sparkster et au Super NES. Les contrôles sont parfaits. Là. Oui. Jamais que tu bounces là, une place que tu veux pas ou tu peux te retenir. Pis, ben, pas te retenir, mais jamais comme que tu rebondis sur un mur et ça t'envoie dans le trou, rien que pour te faire chier. Là, non. Ça, c'est parfait pour ça. Mais moi, j'ai trouvé ça court, trop court. C'est vraiment mais court. Même, je suis content d'avoir joué à ça. Je suis juste déçu. Je suis pas déçu d'avoir payé parce que j'ai eu vraiment du fun. Puis je voulais jouer tout de suite. Là, mais ça paraît aussi quand t'en parles. Je veux dire, on voit qu'il est le fun. Le jeu, c'est juste super qu'il est trop divertissant, court. Mais c'est trop court. Surtout pour le prix qu'il est, dans le fond. Ouais. Moi, je pense que s'il était 7$ pour tout le monde, PlayStation Plus ou non, là. Moi, à ce prix-là, je me serais attendu qu'il soit le double de longueur. Ouais. Mais tu peux, après, le faire à difficult. Ouais. Puis là, c'est vraiment plus difficile, par exemple. J'ai fait les 3 premiers stages pour m'essayer, puis il y a vraiment une différence. Oh, à la fin, là, ça risque d'être pas mal dur. Mais tu vois, c'est un bon défi, parce que je vais le mettre de côté un peu, parce que j'ai joué en masse. Ben, en masse, 3 heures. Mais, je veux dire, je viens de le finir, là. Je veux pas rien que faire ça. Ouais. Mais je vais y revenir à difficult, puis je vais le finir à difficult un moment donné. J'ai pu unlocker... On peut unlocker des sauts, Mais encore une fois, je sais pas comment. Désolé, je me suis pas renseigné, là, mais il y a des affaires que tu peux débarrer, mais c'est pas le... Encore là, des sauts. Hey, c'est-tu décevant, ouais, il y a qu'un peu, ça, quand tu finis un jeu, quand des sauts. Ouais. Mais aussi, dans le jeu, il y a le retour de Axel Gear, qui est ton Nemesis, dans le fond, de toutes les autres. Donc, lui, il est vraiment... Lui, avec un jetpack, c'est un Rocket Knight, comme toi, mais il s'est rebellé, t'sais. Fait que là, il est noir, puis son jetpack est rouge, toi, t'es bleu, tu sais, c'est... Il est bien le fun, en tout cas, puis c'est tout le temps une bonne bagarre de Nemesis, une belle rivalité. Fait que c'est ça. Overall, excellent jeu. Si vous êtes membre de PlayStation Plus, vous l'achetez tout de suite. Oui. Si vous voulez investir 15$, 5$ de l'heure pour avoir un fun noir. C'est une bonne soirée. C'est une belle soirée. Oui. Super belle soirée. Pour un bon platformer. Ouais. La discussion. On mange des chips pour célébrer le fait que la semaine prochaine, du 4 au 7 juin, c'est le 3-2012. Ouais, ça, ça tombe... C'est lundi. Ça commence lundi. Ça finit lundi, mercredi. Oui. Ah, ouais. C'est très, très, très rapide. C'est très, très, très rapide. Il va falloir qu'on sorte le podcast avant ça pour que ça soit... ça aide la lune. Exact. Faut absolument sortir, là. Puis c'est ça, on a pensé que ça serait bon de faire une discussion sur ce que vous entendez de plus du E3 2012. Ouais. Tout le monde a des attentes, nous autres aussi. Donc, juste pour vous faire un petit résumé, le E3 2012, les trois conférences les plus importantes, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps Microsoft, Sony et Nintendo. Ouais. Celle de Microsoft va être lundi matin à 9h30. Celle de Sony va être lundi soir à 18h. Et puis, celle de Nintendo va être mardi matin à 9h. OK. Ça, c'est des conférences que vous pouvez suivre un peu partout, ben franchement. Live direct sur Internet. Live direct sur Internet. Sur les sites de chacune de ces compagnies-là, évidemment, ils donnent des liens, des places pour regarder le E3. Il y a aussi une couverture qui est faite sur Spike TV à toutes les années, qui est en association avec Game Trailers. OK. Vous pouvez aller sur GameTrailers.com aussi. GameSpot a toujours fait une bonne couverture. Puis là, quand je dis là, c'est pas une couverture éditoriale. Je parle vraiment plus d'être là et de présenter les conférences. Fait que c'est ça. Fait que bref, on va parler de nos attentes. Moi, premièrement, le 3, je vais le suivre. Je vais le suivre directement de Montréal. J'irai pas là-bas. Ouais. Puis, ben franchement, moi, j'aime mieux le suivre d'ici. Ben, tu le suis mieux parce que... Exact. C'est comme, t'es pas dans une foule coincée, tassée, dépêche-toi, essaie de jouer à ça, va voir telle affaire, tu sais. Ça doit être cool en même temps, mais c'est ça a l'air tellement intense, là. Et moi, j'ai des feedbacks d'amis, des gens du milieu, puis... Ils me disent tout le temps la même affaire, là, tu sais, c'est un zoo aller au E3, là. Tu vas au E3, là, puis tu travailles, mais tu travailles. Tu travailles en tabarnouche, là. Tu cours après ta queue, puis je veux dire, t'as beaucoup de choses à couvrir. Il y a énormément de monde qui veulent ta place, fait que, tu sais, t'as pas le choix, là. T'es pas là pour jouer, t'es pas là pour rigoler. T'as des rendez-vous cédulés précis, genre, quand tu travailles là. Exact. Puis ça niaise pas une seconde. Là. Ben, c'est ça, c'est pour les... C'est là qu'est rendu la business des jeux vidéo, man. Ouais. Il y a plus de fun. Il y a plus de fun pantoute. Mais c'est vraiment fait pour l'industrie, tu sais. C'est fait pour les gamers aussi, le 3, mais pour les gamers, je dirais que c'est un peu mieux de le suivre à distance et non pas là-bas, parce que de toute façon là-bas c'est pas ouvert au public. Non, ça prend les billets. C'est ça. Tout, exactement. Ça coûte cher aller là, sais-tu? Oui, mais ça coûte assez cher aller là. Tu sais, c'est comme des vacances là, que tu payes en trois jours tout seul sans ta femme. Là, c'est ça. Fait qu'après ça, tu reviens à la maison. Bon, on va pas en vacances cette année, chérie, je suis allé au E3. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est possible aussi pour des gens, mettons, comme nous autres, on a un blog, on a une source d'information sur les jeux vidéo. Donc, ça serait possible pour moi puis toi d'avoir des passes médias pour aller au E3. Mais faire ça, sérieusement, c'est un énorme investissement pour ce que ça donne. Puis moi, je considère aussi que c'est le fun que nous autres, on vous donne notre grain de sel, mais tu sais, il y a tellement de sites sur les jeux vidéo. Il y a tellement de sites qui font la couverture que être un autre petit blog à quelque part ou un podcast qui est allé couvrir le 3, là, c'est rien dans cette mer d'informations-là. Ouais, totalement, là, totalement, c'est clair. Fait que ça sert à rien. Fait que anyway, allons-y avec nos attentes. Fait que commence par ta première attente. Ben moi, tu sais, Bruno, le E3, je suivais pas ça bien avant. Je l'ai écouté l'année passée. Ben écoutez, tu sais, en même temps que je travaillais, je le mettais en background dans mon ordi. Je pense que l'année passée, c'est le premier que je me suis vraiment intéressé à. Ouais. Puis l'année d'avant, juste un petit peu, mais c'est tout nouveau pour moi de m'intéresser à ça. Depuis qu'on parce que fait moi, rétro nouveau ensemble. Puis depuis que je suis un peu plus dans le monde du gaming, contemporain, parce que, tu sais, moi, je suis old school, là, dans le fond. Tu sais, j'en reviens, en tout cas, whatever. tu parlais de Max Payne tantôt, puis tout, c'est vraiment la grosse coche, ce jeu-là, présentement. Puis tu sais, moi, j'étais en train de checker Gargoyle's Quest au Nintendo, je trouvais ça cool, tu sais, pour vous montrer à quel point je suis pas dans le game tant que ça, des affaires récentes. Tout ça se passe plus, genre, dans un sous-sol d'église, tes conventions. Moi, je surfe sur mes désirs de l'instant, tu sais, pas sur l'affaire qui va sortir. Mais malgré tout, j'ai vraiment aimé beaucoup suivre ça l'année passée, puis comme tout le monde, j'ai la piqûre même. Ben oui. Alors, moi, j'aime personnellement un petit peu moins Microsoft. Oui. Il y a rien là-dedans j'ai pas d'attente là-dedans vraiment, tu sais. Oui. Halo 4 va sortir, Call of Duty Black Ops 2, ben ça va être toutes les plateformes dans le fond, mais Halo, ça m'intéresse pas vraiment. Halo, moi non plus, ça m'intéresse pas du tout. Je l'ai dit souvent, là, moi, c'est le Master Chief. Ben moi, j'ai pas de Xbox 360 de toute façon. Fait c'est ça. Ça règle le cas, là. Moi, j'en ai une, puis Halo, regarde, j'ai deux jeux d'Halo chez nous qui sont en train de pourrir. C'est ça. Je sais pas, ça marche pas pour moi. Non. Mais PlayStation, il y a plus de stock. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir sur la Vita. Ils vont avoir des grosses annonces là-dessus. Ça va être intéressant. J'ai lu, en tout cas, Call of Duty Black Ops 2 là-dessus. Mm-hmm. Assassin's Creed 3. Peut-être un Infamous 2. Ouais, ben il y a des rumeurs, en tout cas, que ça serait toutes les grosses licences de Sony se retrouveraient sur la Vita. Puis moi, c'est une de mes grosses attentes parce que c'est... Tout le monde le dit, tous les médias le disent. Il n'y a pas de jeu, ça, Vita. C'est, ben, y a des, là, on commence à avoir de plus en plus d'annonces sur la Vita. Là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans les deux dernières semaines, là, à tous les jours, j'ai comme une ou deux nouvelles de nouveaux jeux. Ouais. Puis c'est supposé que le 3, ça serait le c'est le temps de la Vita. Là, ben, ils vont ça vraiment sortir, là, ils vont mettre le paquet. Ils vont mettre vraiment le paquet parce que ils ont eu une légère descente. Puis légère, je suis super smart. C'est pas une légère descente, là. Ça a quand même été rough comme descente par rapport à la 3DS. Fait qu'il faut qu'ils fassent un move. Puis c'est un peu ridicule comme descente quand tu regardes ça, parce que la 3DS, il y a tellement moins de jeux auxquels tu peux jouer qui sont vraiment trippants, des jeux AAA. Il y en a vraiment pas beaucoup. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont plus de stock, ils ont plus de jeux, mais il faut quand même encore là qu'ils se prouvent encore plus parce que sont pas dominants, simplement. Fait que je pense qu'il va y avoir bien des annonces. Étrangement. Ben, étrangement, en tout cas, moi, je ben, c'est de ta là-dessus. Faute, dans le fond. C'est ça. De ma faute. Je trouve ça trop cher, ben, c'est ça son gros problème. Ouais, c'est mais ça en que tout ça cas, coûte, regarde, je sais, pis tout, pis tout. Mais on va peut-être apprendre des nouvelles au E3 d'une baisse. Là, ben, parce ça serait que bien, ça. En Europe, il y a eu une baisse pour la Vita. Ouais. Fait que, je sais pas, peut-être que ça va être la une des grosses annonces de Sony. Parce que Sony annoncera pas la PS4, là. Non, c'est ça. Ça s'en vient pas. Non, là. Non, moi, je suis sûr qu'on verra rien fait de ça. Il y aura pas de nouvelle console cette année. À part la Wii U. La Wii U. Qui a déjà été annoncée l'année passée. Mais moi, quelque chose qui pourrait me faire acheter une PS Vita, c'est le grand retour en force de Jet Set Radio. Yeah! Ça va être malade. Ouais. Grand classique du Dreamcast. Ouais. Qui revient, là, dans le fond, dans une version. Je sais pas si ça va être. C'est la même affaire. C'est la même affaire, c'est mais exactement vraiment la même chose. Améliorer HD. Ouais. Dans le c'est amélioré HD, ils ont juste tout retravaillé le graphisme. Puis en plus, je sais qu'il va y avoir des nouveaux modes. Ouais. C'est la seule affaire, mais les nouveaux modes, c'est tout le temps une attrape de marketing, sérieusement. C'est un sac, c'est fais ce tableau-là en moins de temps ou ramasse tous les graffitis dans la ville. Comme, Mais aussi, il va être disponible sur d'autres plateformes. Donc, sur PSN, XBLE. Fait que c'est ça. PlayStation Network, XBLA, PS Vita. Mais PS Vita est la seule console portable qui va avoir Jet Set Radio. Mm. Dans ta face. Ben oui, je pourrais pas avoir ça. Sinon, quoi d'autre sur la PS3? J'ai lu des titres, là. Un qui me branche bien gros, ben ça va être God of War Ascension, qui se retrouve à être un prequel. C'est quoi le mot? Un pré-épisode. Un pré-épisode au premier God of War. Ouais. Au PlayStation 2. Ouais, on va voir qui était Kratos avant d'être le dieu de la guerre. Donc, on va le voir en train de combattre comme un Spartan directement sur la Terre en tant qu'être humain. Exact. Puis, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Mais je te dirais que moi, je me suis fait une liste de mes attentes. Là. Ouais. C'est la dernière de mes attentes. Ah, c'est l'affaire qui m'excite le moins du E3. Toi, ça va être Tomb Raider, je suppose. Moi, ma première attente, là, c'est vraiment la Wii U. Ben, moi aussi, en fait. J'ai pas fait... moi, j'y allais compagnie toi, par compagnie. Ouais. Mais moi, j'étais allé en ordre de préférence. Ah, ben moi, avec la Wii U, numéro 1. C'est la chose que je veux voir. Moi, la Wii U, c'est numéro 1 parce que, regarde, on peut chialer, on peut dire plein d'affaires, là, mais la Wii U, c'est quand même un gros point d'interrogation dans la face de tout le monde. Totalement. Puis je sais que tout le monde, même ceux-là qui chialent, vont être là à conférence, puis vont regarder la conférence, vont faire comme c'est quoi cette maudite machine-là. Puis Nintendo a tout le temps les conférences les plus aguichantes, là, je trouve, là, je sais pas. T'sais. Ben, ils ont. Attends, mais ça, Microsoft a rien cette année encore. Halo, tu sais, fine, là, mais c'est un gros jeu, puis tout, mais c'est juste un gros jeu qui est la suite des autres, tu sais. L'année passée, c'était Kinect. Ouais. Là, c'était. Puis on s'en calisse, la Kinect, là, on va le dire, là. Oh, c'est de la merde, puis on s'en calisse. Puis, deuxièmement, Ils n'ont rien fait d'autre l'année passée. C'était du jeu. L'affaire qui arrive, c'est que Nintendo, à toutes les trois ou presque, ils ont tout le temps eu une nouvelle bébelle à présenter. Mais Nintendo, ça n'a pas tout le temps été fort. Peut-être, il y a plus longtemps. Quand ils ont annoncé le nouveau Zelda Skyward Sword, là, c'était même pas excitant. C'était comme ah ok un nouveau Zelda, mais il y avait presque rien à présenter. Ils présentaient des jeux, puis les jeux c'était encore tous les mêmes jeux de Nintendo. Il n'y avait pas de jeux de third party. Ça va être la même affaire cette année encore, mais c'est ça, c'est une autre affaire d'ailleurs que les gens doivent se demander. C'est comme Colin, ils vont-tu avoir enfin une alliance puissante pour la Wii U? Ça devrait. Mais l'année passée, ils en ont montré Ninja Gaiden 3 sur la Wii U. Sauf qu'encore là, ce que je veux voir de la Wii U, c'est être en avance sur les autres compagnies. C'est du retard. Elle sera pas en avance à ce niveau-là, je pense. Ça va être en avance parce que ça va être une autre façon de jouer, tu sais. Oui. Puis c'est dans Nintendo, c'est ça qu'ils font, eux autres, tu sais. Ils sont pas en avance. Ils vont pas être le PlayStation 4. T'sais. Ils vont être comme les autres, puis probablement une légère coche en dessous, fidèle à leur habitude. Mais t'sais, ils vont te proposer une autre affaire. Un autre gogos. Là, tu peux jouer avec ta manette, tu peux l'emmener chez vous, tu peux plugger telle affaire dedans. On dirait que c'est tout le temps ça. Là, t'sais. Puis la Wii U, je pense que ça va être ça aussi. Ça va être bien gadget. T'sais, ça va être à la même puissance, mettons, que les consoles d'aujourd'hui, mais gadget au max. J'espère juste que ça sera pas trop bebel. Tous les hardcore gamers, ils veulent que ça soit plus bebel, que ça soit comme machine. T'sais. Mais c'est sûr que ça sera pas ça. Mais moi, ce que j'espère, t'sais, la Wii U, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi. Mais mon désir personnel le plus profond, c'est qu'il présente d'autres options de manettes. Puis des manettes qu'on n'a pas vues encore. Dont une manette classique définitive. Pas la manette classique qu'on a là sur la Wii présentement, qui est comme la manette de la Super NES. Moi, c'est ça. Je veux une autre manette vraiment classique. Là. Présente-moi une manette qui ressemble à la manette de la 360 et la manette de la PS3. Puis là, vraiment, là, j'embarque. Je l'achète demain matin. Là. J'ai peur que ça soit juste le gros pad. Là. Mais c'est ça. C'est que le gros pad, tu sais, moi, je sais que, je sais que ça va être une manette qui est bien puis qui fonctionne parce que. Et qui t'en donne aussi, vu qu'il y a un écran. Exact. Puis, tu sais, c'est une manette, je veux dire, il y a même, j'en avais déjà parlé à Rétro Nouveau, il y a même un pad qui se vend pour les gamers hardcore qui va en dessous des manettes de 360 puis de PS3. Okay. Puis ça crée une grosse manette, pratiquement grosse comme celle de la Wii U. Okay. Ce que ça fait dans le fond, c'est que tu l'accotes souvent sur tes jambes ou tu l'accotes sur tes bras. Puis ça donne du padding. T'as moins de crampes dans les mains quand tu joues avec ça. C'est vraiment un gadget que tu peux t'acheter. Ça a l'air de la cochonnerie. J'ai jamais eu mal au bras parce que je jouais à des jeux vidéo. Non, mais ça fonctionne. Genre, c'est quelque chose qui est en vente puis qui se vend. Mais dans tous les bons punch-up d'ici 5 ans, mesdames et messieurs. Mais regarde, ça existe, fait que je me dis, bon, c'est quand même, c'est pas une ergonomie de manette qui date d'hier, là. Je veux dire, ça fait un petit bout que les gens travaillent sur quelque chose dans le genre. Fait que je me dis, cette manette-là, c'est correct, ça marche, mais moi, je veux le retour d'un Nintendo classique. Ouais. Moi, je veux qu'il soit au même niveau que les autres puis qu'il fasse comme, OK, tu veux jouer classique? Fine. Check la manette de feu qu'on t'a sortie. Mm-hmm. Pas une manette que tu dis comme, ah ouais, ça, c'est la manette classique. T'sais, c'est comme, cette manette-là, quand elle sort, t'sais, c'est comme une extension. Pis c'est pas pour vrai. Elle est bonne, mais c'est ça. C'est comme si c'était une solution de rechange. Ouais, ouais. On aimerait que ça soit une solution solide à la place. T'sais, pis... La dernière étant celle du GameCube, dans ce temps-là. Là. Puis on fait des bonnes manettes, Nintendo. Mm-hmm. T'sais, fait que j'aimerais ça qu'il y en ait une nouvelle, celle-là. Puis sinon, ben mon jeu le plus attendu à moi, devine c'est quoi? Ben là, j'en ai Resident Evil 6, non. Darksiders 2. Non. Tomb Raider. Ouais, ouais, c'est ça. Tomb Raider, moi, c'est le jeu que j'attends le plus. Ouais, avec impatience. Je pense que tout le monde sont ben excités de voir la nouvelle direction. Ouais. C'est un reboot, finalement. Là, moi, je veux voir la nouvelle direction, je veux voir du gameplay, je veux voir où est-ce que ça s'en va, y a-tu du multijoueur, m'en fous. Grosseur des seins. Ouais. C'est mieux d'être respecté. Mais j'ai vraiment hâte de voir où ils s'en vont avec ça parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. On a vu plein de teasers, de bandes-annonces, de petits trucs, mais on n'a pas vu quelque chose de concret encore. Ouais. Là, un gros démo puissant. Totalement. Fait que non, moi j'ai super hâte à Tomb Raider. Là. Je me peux plus. Ben moi je me demande dans mes préférences aussi, il va y avoir beaucoup de stock présenté pour la 3DS, mm-hmm. dont New Super Mario Bros. 2. Ouais. Mais ça, je m'en fous. Mais là, on a vu cette semaine Castlevania, Lords of Shadows, Mirror of Fate. Ouais, quel nom minable. C'est normal ridicule, tu sais. En tout cas, qui va être sur la 3DS. Ouais. Fait que c'est comme un peu, ça va être une twist. Ça va être Trevor Belmont, fait plus mm-hmm. Gabriel, mais ça va être 2.5D. Ouais. Puis il y a des rumeurs de connectivité avec la Wii U. Parce mm-hmm. qu'il y a des rumeurs aussi que Lords of Shadows 2 va sortir sur la Wii U. Cool. Donc, les deux devraient être capables de se plugger ensemble, d'intervenir un dans l'autre. Tu sais, ouais, comme ouais. Nintendo va finalement être contemporain dans leur façon de faire. Ouais. Là, tu sais. Fait que c'est merveilleux, ça. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont en parler. Parce que Castlevania, ça a tout le temps été excellent sur les consoles portables de Nintendo. Tu sais, ça mm-hmm. va ensemble. Ils sont tous au moins bons. Tu sais. Ouais, sauf que là, tu dois avouer qu'il quand même, là, il ose. Là. Parce que, tu sais, Lords of Shadow, toi, t'es le premier à pas l'aimer. Puis là, ouais. il s'en va. La direction, c'est vraiment celle-là. Si je l'aime pas, c'est pas parce qu'il est dans un environnement 3D. Moi, j'aimais mieux les Lament of Innocence tant qu'à ça au PlayStation 2. Ce que j'aimais pas, je trouvais qu'il manquait de saveur. Mais on reviendra pas là-dessus. Allez voir Twitter. Mais, mais là, j'ai lu que c'était pas tout le temps en 3D, qu'il y avait du 2D, du 2.5. Okay. Ça a l'air de switcher souvent. Là. Ah ouais, OK. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Ben, j'ai vraiment hâte de voir ça, en tout cas. Mais moi, c'est le retour de Castlevania sur console Nintendo portable. C'est une excellente nouvelle pour moi. J'espère vraiment qu'ils vont en parler. Puis j'espère que ça va se connecter avec la Wii U d'une façon ou d'une autre. Oh oui. Parce que, tu sais, moi, ma Wii et ma 3DS sont pas synchées, tu sais, je veux dire, toi, ta Vita, la match avec ton PlayStation 3, tu sais, mais faut que Nintendo il fasse ça, là, maintenant, ben oui. là, assurément, là, tu sais. Non, c'est sûr. Faut que ça en aille par là, puis j'espère qu'ils vont le faire, là. Oui. Totalement. Surtout que Nintendo comprenne, enfin, que l'Internet, ça existe. Oui, L'Internet, c'est notre méchant, ami. Pis, ça va bien aller. T'sais, donner du contenu téléchargeable, on va en acheter, t'sais, des nouveaux tableaux pour Mario. Ben oui. Ben non, moi, concernant la 3DS, là, j'aimerais ça que, oui, t'sais, des annonces de nouveaux jeux pour la 3DS, de third party, s'il vous plaît. Puis j'aimerais. Non, vous, ça n'a pas rapport. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Je me suis tout fait tout seul, ça n'a pas rapport. Mais t'as raison, on risque de pas de m'avoir ben. Ouais, mais moi je veux ça, puis j'aimerais ça aussi qu'ils annoncent un e-shop retravaillé. Ouais. Une fois de plus. Parce qu'il y a du monde qui trouve que c'est hot. Il y a quand même des bonnes critiques de cet e-shop. Le monde qui joue. Non, c'est des gens qui font des jeux. Ouais, mais c'est ça, exactement. Mais il doit avoir un deal là-dedans. Là, non, mais c'est tout le temps ça. Tu sais, ouais. Ça, c'est comme quand il disait là, « Wait till you play in 3D. Nothing is gonna be the same anymore. Ouais, » tu sais, c'est sûr, ils prêchent pour leur paroisse, mais en même temps, tu sais, le e-shop, c'est de la merde, OK? C'est vraiment de la merde. Fait que, tu sais, ça serait bon qu'il y ait un nouveau e-shop qui fonctionne. Puis ça serait le fun aussi, peut-être, qu'ils annoncent là, comme « Ah! » Super Nintendo s'en vient sur 3DS, tu sais. Ah, ça juste, serait cool. Ça serait écœurant, tu sais. Ou Nintendo s'en vient, là, puis d'ici Noël, il va y avoir 50 nouveaux jeux de Nintendo. Mm. Juste ça, là, ça serait écœurant. Des bons jeux, là. Ouais. Tu sais, pas juste des jeux Nintendo originaux comme Urban Champion ou Balloon Fight. Non. Même si on aime Balloon Fight, mais tu sais. Contra, c'est compliqué de faire Contra 1 sur une 3DS. Pas sûr, moi, que c'est compliqué. Mais non. Let's go, Konami, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça? Mais non, puis de l'émulation, je veux dire, ça se fait bien. Puis qu'ils le fassent bien aussi. Ouais. Parce que, tu sais, sur l'écran, tu sais, des fois, je sais pas, c'est comme flou, tu sais, ou quelque chose dans les DSiWare, en tout cas, c'est tout le temps un peu flou. Moi, ça m'écœure, là. Ouais, mais le DSiWare, c'est vraiment fait pour la DSi. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est fait pour la DS, puis la DSi, ça sort flou, ça 3DS. Exact. Moi, ça me tue. Pis par contre, les pixels des jeux de NES, ça marche bien. Moi, ça, je trouve que ça marche bien, ça, la 3D. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Yoshi ou à NES Golf Open. Mais non, moi, j'espère je sais pas, tu sais, la 3DS, moi, j'espère un retravail, si ça se trouve, les affaires en ligne. Oui. C'est surtout en ligne parce que, tu sais, les jeux, OK, ça s'en va là. Puis, on a quand même eu une couple de bons titres cette année de Nintendo. Mais les third parties sont encore pas là. Puis, on s'attendait. Il y avait fait des. C'est drôle, il y a des médias aussi qui ont parlé de ça. T'sais, regardons les promesses qu'ils ont faites des années passées. Puis, regardons où sont rendus aujourd'hui. Puis, Nintendo a fait comme les third parties sont avec nous autres. Ils s'en viennent. La 3DS va avoir plein de titres de third party. Ouais. Ils sont où? Il y en a. Ben, c'est peut-être à cause du mauvais départ de la 3DS que les third parties sont restés bien frais. Ben, c'est ça. Moi, ce que je trouve la 3DS. Mais il y en a, mais les jeux sont mauvais aussi. Ouais. Ben, à part Resident Evil, c'était bon ça. Ben, Capcom. Resident Evil, c'est Capcom, sauf que Capcom, ça a tout le temps été là, main dans la main avec Nintendo. Là, ben là, tu n'as un. Arrête de chioler. Ouais, je sais, qui mais. Tu veux. J'en veux plus quand même. Ouais, je sais bien que t'en veux. Ben, regarde, ça serait le fun si, je sais pas, moi, Suda51 avec Grasshopper face à un jeu pour la 3DS, ça serait écœurant. Oui. Tu sais, sur la Wii, c'est là qu'ils ont sorti No More Heroes. C'est là qu'ils ont décidé de le sortir. Fait que. Sortir un jeu sur la 3DS, ça serait génial, tu sais. Ouais, totalement. Tu sais, regarde, là, ils ont WayForward avec eux autres, ils font des jeux. WayForward, les feed au max. Mais oui, les feed au max, tu sais. Tout ce qui est de WayForward sur la eShop, c'est tout bon. Là, mais c'est ça, c'est juste sur la eShop. Moi, j'aimerais ça avoir un jeu de 3DS par WayForward, ça serait vraiment écœurant. T'sais, plus de jeux de retail, ben, attends, y en moins de eShop. Moi, j'ai acheté Aliens Infestation. C'est un jeu de DS fait par WayForward, publié c'est par sûr. Sega. Puis ils l'ont fait sa DS cette année, dans le fond. Fait que, je sais pas, eux autres sont pas pressés. Là. Ils font le petit bonhomme de chemin. Oh, un autre jeu de DS, rien que pour le fun. Mais tu sais, ça serait le fun, comme je viens de dire, moins de eShop, plus de retail. Plus de copies physiques de jeux plus complet pour la 3DS. T'sais. Moi, d'ailleurs, je me disais, on se dit tout, admettons, ah, les jeux de Nintendo, c'est une valeur sûre. T'sais. Dernièrement, avec Mario Tennis Open, ils ont prouvé que c'est vraiment pas le cas. T'sais. Ouais, ouais. Que c'était vraiment pourri, ce jeu-là. Puis fait, où Luigi's Mansion? Luigi's Mansion, on l'a promis encore. L'année passée, ah, il n'est pas sorti encore. Ben, je pense que ça va être très bon, mais tu sais. Ah oui, mais tu sais, je veux dire, c'est... C'est vraiment long, puis ça devrait pas être seulement Nintendo qui sort des jeux, tu sais. Kid Icarus, ça a pris ça combien de temps long, à monter ça, clair. Ce jeu-là? Puis ça valait à peine, mais encore là, c'est trop long pour, tu sais, un jeu. Ah, il y a ouais. beaucoup de gens là, qui vont terminer ça en une semaine, puis après ça, tu joues à quoi, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour ça, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai parlé des nouveaux jeux de la Vita tantôt, c'est ma troisième très grosse attente. Il y a le nouveau projet de Quantic Dream, qui est l'équipe derrière Heavy Rain. Il avait présenté un concept, un prototype avec Kara, qui était une fille qui se faisait monter, elle devenait un robot, puis finalement elle avait des émotions, tout ça. Il disait que ça c'était un prototype pour voir l'engin avec lequel il allait travailler sur la PS3. OK. Puis là, ils seraient supposés présenter leur nouveau projet au E3. Fait que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Ça sera pas nécessairement ce qu'on a vu avec Kara. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Il y a aussi The Last of Us, qui est le nouveau jeu de Naughty Dog qui font normalement Uncharted. Okay. Là, c'est ils font plus Uncharted. Maintenant, le nouveau IP, c'est The Last of Us. Okay. Puis ça, j'ai très hâte de voir ça. C'est une espèce de... Si vous avez pas déjà vu, il y a des bandes-annonces sur le site, sur retronouveau.ca. C'est un jeu de survie, mais c'est un peu plus un jeu de survie comme le film The Road, où t'es dans un univers où tout est parti, où la végétation a pris le dessus, okay. Où il y a un virus, un fungus, qui a atteint les humains. Ces humains-là, ils ont eu une certaine mutation. Sauf que il n'y a pas juste des mutants dans ce monde-là. Il y a aussi les humains qui se battent entre eux pour avoir des rations, des munitions pour pouvoir se défendre. Donc, il y a ce côté-là humain très intéressant, puis un côté aventure, puis le côté que tu n'as pratiquement aucune arme. T'sais, des fois, tu vois le monde se battre avec des briques. Dans la dernière bande-annonce, il y a un gars qui tire avec un gun, mais les autres ont des bâtons, des roches, des trucs comme ça. T'sais. Okay. Ça a vraiment l'air bon, puis l'engin graphique est très, très, très, très, très impressionnant. Là. Okay. Sinon, à part de Last of Us, l'autre jeu auquel j'ai bien hâte, c'est Hitman Absolution. Ouais. Ils ont sorti un autre trailer aujourd'hui, je suis hyper impressionné. Puis en plus de ça, présentement, je suis Max Payne 3, je suis juste là-dedans, puis je trippe au bout. Ouais. Puis Hitman a l'air d'avoir un peu ce même genre de jeu-là, de narration un peu sale. L'agent 47 a l'air, bien, mais pas aussi parfait qu'avant. Mm-hmm. Avant, c'était vraiment un bonhomme, genre, il est parfait, il est clean, tout va bien. Ouais. Là, tu le vois dans le dernier trailer, il y a plein de cicatrices de balles dans le dos. Il est fendu en arrière de la tête, tu sais. C'est plus sale dans sa façon de tuer le monde. Puis tu vas pouvoir y aller furtivement, puis tu vas pouvoir y aller action au bout. Okay. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis après ça, évidemment, bon, God of War Ascension. Mais God of War Ascension, on a tellement vu de God of War jusqu'à date que je t'avoue ouais, que... je pense que ça va être pas mal la même affaire. C'est hein? Ça, tu sais, on se dit que ça va être pas mal la même affaire. Fait que tu sais, je suis moins dans l'attente présentement. Moi, Darksiders 2, ça pique ma curiosité, ça, parce que j'ai jamais joué, puis j'ai regardé des vidéos aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça vraiment mais c'est cool. Ça, c'est que Darksiders 2, moi, je me demande si on va vraiment avoir une surprise au E3, parce que... Pas vraiment. Je les mets toutes sur Rétro Nouveau, puis je pense jusqu'à date, j'ai dû mettre comme 10 vidéos là, depuis l'annonce du jeu. Fait qu'on a vu quand même pas mal de stuff. Ça a l'air quand même cool. Puis ce que j'ai découvert de ce jeu-là, c'est qu'il y a des éléments un petit peu RPG dedans, que tu ramasses des trucs. Donc, pour cela, ça me branche. Puis il y a un autre jeu qui, mon Dieu, qui est sorti de nulle part sur iOS que j'ai vu, ça s'appelle The Act. Ah ouais, ça a l'air écœurant, ça. C'est comme ça. Un cartoon. Ouais, c'est comme... Pensez Dragon's Lair, là. Dragon's Lair rencontre, voyons, Colin, Larry, là. Dirty... Ouais. Ton jeu que t'as fait? Non, pas Dirty Gary. Non. Ah, Larry, le petit perv, là, ouais. Ouais, voyons. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment comme un genre de Dragon's Lair, sauf que c'est un... Pardon, la bière. C'est ça, c'est un jeu de cruise. Oui. C'est qu'il faut que tu faut que ailles voir ta bien-aimée, puis il y a plein d'affaires qui t'arrêtent, puis c'est vraiment comme Dragon's Lair. Ça a l'air de se passer autour d'un hôpital, tu sais, au début, tu laves des vitres, puis là, t'as un gros épais avec toi, genre, puis faut que tu l'empêches de faire des bêtises, là, tu sais, mais faut que tu pèses au bon moment, puis que tu fasses les bonnes choses pour avoir les bons résultats, pour réussir, dans le fond, à pogner la fille de tes rêves, qui est une espèce d'infirmière aguichante, là. Ouais. Mais c'est cartoon. Mais tout est en animation traditionnelle, c'est un grand film interactif. Totalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, là. Ouais, à ce point-là, faites de même, là. On n'a pas vu ça depuis vraiment longtemps. Ça, c'est vraiment cool. Je devrais m'acheter un iPhone cette année, d'ailleurs. Ben ça oui. va venir, là. Donc, je vais me pogner ça. Cool. Ben, sinon, les gros titres, Assassin's Creed 3, ça va en parler. Resident Evil 6. Quoi d'autre? Ben, c'est pas mal tout ce que j'ai sur ma feuille, moi. Ouais. Mais moi, c'est Nintendo que j'attends. Oui. Vraiment hâte de voir. Moi, c'est Nintendo, mais aussi Sony. Puis j'ai hâte de voir, j'aimerais ça que Microsoft ait quelque chose dans sa conférence qui me fait comme non, tu sais, j'aimerais ça être impressionné cette année puis vraiment faire comme aïe, tu sais, je sais pas moi, une console portable. Ouais, une console portable ou juste même juste l'ombre d'une annonce de ouais, c'est ça. Quelque chose d'autre, tu sais. Parce que Microsoft, c'est fiable, mais jusqu'à la date, le 3, Microsoft, c'est Kinect, Halo, Gears of War, Kinect, ouais. Ubisoft. Fait que, tu sais, c'est comme plate, tu sais. J'aimerais ça qu'il y ait comme un petit... quelque chose de nouveau, un ouais. exclusif qui m'impressionne, qui m'attire, mais jusqu'à maintenant, là, Microsoft ont pas réussi avec moi. La Xbox 720, peut-être? Mais c'est ça, ça. On aurait plus de chances de l'avoir que la PlayStation 4, j'ai l'impression. Ouais, ça, je pense pas que ça va arriver, moi. Je pense pas que ça... Non. Puis je pense, les analystes l'ont dit, il y aura pas d'autres annonces de hardware à part la Wii U cette année. Ouais, c'est ça. Fait que, puis je me fierais pas mal à ça parce que de toute façon, on aurait eu vent un peu quand même avant. Ouais. Là, il y aurait sûrement eu un leak à quelque part. Là. Fait qu'en tout cas. Ben, on prend-tu. Ben oui, on va regarder passer, ce que vous en pensez. Exact. Ben, je vais commencer peut-être avec Facebook. Alexandre Crépeau, lui, il voudrait avoir des Elder Scrolls Online. Ouais. Ça se pourrait-tu, ça? Ben oui, ça se pourrait. Ça se pourrait, mais dans le fond, c'est ça. Ouais, ben Elder Scrolls, c'est Skyrim. Skyrim, Oblivion. Fait que moi, ce que je pensais, c'est que peut-être il y aurait une extension cette année qui rend Skyrim totalement online, genre... puis même, j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être pousser jusqu'à faire des dérivés de Skyrim vu sa popularité. Là. Genre annoncer sûrement... Skyrim Facebook. Boy, ok, une affaire de même. Moi. Hey, il en ferait-tu des paquets d'argent? Mon gars, imagine, sûr. Ça serait fou. L'Éric Marleau nous dit « Un nouveau modèle 3DS comprenant le deuxième stick analogique. » Il me semble d'ailleurs qu'il nous en avait déjà parlé, lui, sur Twitter, qui attendait ça, en tout cas. Je le comprends mais, encore. Je le comprends, bien. Ben oui. Ben, ça se pourrait. Qui sait, dans le fond, ça serait le temps d'annoncer un nouveau modèle. Mathieu Lamort, la Wii U et surtout les jeux de Nintendo en HD. J'ai trop bavé sur les démos de Zelda ou du dernier E3, puis imaginez un Metroid en HD, Nintendo, s'il vous plaît, ne me déçois pas. Ouais. Metroid, on n'a pas eu encore... n'a pas eu sa 3DS. Metroid Other M, c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Ça ouais. fait un bout, là. Ça fait quand même un bout de temps, là, puis il serait temps qu'il se passe de quoi. Tout le monde parle d'une rumeur d'un jeu Metroid/Metroid. Star Fox. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, on sait jamais. On va peut-être en entendre parler de ça. Moi, là, je mets un autre joueur dans cet univers-là, parce que tout le monde dit que c'est à cause de l'univers spatial dans lequel les deux licences sont. Mettez F-Zero là-dedans. Ouais, F-Zero, là, Captain Falcon, là, ouais. tu peux facilement l'embarquer là-dedans, fait que on sait jamais. Ouais, c'est clair. Ça serait hot. Pierre-Étienne Laprise, l'annonce d'un autre Call of Duty, non sans. Il fait une blague. Non, sans déconner, je dirais la PS4 et la Xbox 720 ou Xbox 3, ça me surprendrait. Maxime Tremblay, comme plusieurs, je veux en savoir plus sur la Wii U, la puissance de la machine, sa date de sortie, ses jeux de lancement, son prix. Ça, je suis bien d'accord. On est tellement tout le monde dans le champ, on n'a aucune idée. Hein. Je pense pas qu'ils vont annoncer le prix ni les specs. Ils n'ont jamais donné de specs, Nintendo. Non, c'est vrai. Guillaume Simard, pas trop d'annonces Microsoft concernant la Kinect, s'il vous plaît. Mais hein. Sinon, quoi d'autre ici? Pierre-Marie, bien-aimé. Des informations sur la Wii U, car ma Wii me donne des signes qu'elle est sur le point de lâcher. Gel intermittent. Ici encore la Wii U, PlayStation 4, le monde attend vraiment ça. Je m'attends à ce que les conférences d'Ubi, Square Enix et autres compagnies prennent plus qu'avant. Ce ne sera pas juste Nintendo, Microsoft et Sony qui auront le gros du show, nous dit Anthony Gravel. Ben, Ubisoft et EA, normalement, ont des méchantes bonnes conférences. Surtout Ubisoft, à chaque année, moi, ils m'impressionnent. Là. Ouais. Ils font des conférences écœurantes la plupart du temps, même avec une thématique, avec des animations, tout ça. Fait que c'est à pas manquer non plus. Là. Ils ont leur conférence à eux. Puis il y a beaucoup de monde qui ont oublié, d'ailleurs, que la Wii U avait eu... des démos de gameplay, puis c'était seulement avec Ubisoft, ça. Puis c'était arrivé l'année passée. L'année passée, oui. C'était pas lors d'une conférence, c'était vraiment juste des tech démos avec Killer Freaks from Mars, puis c'était quoi l'autre? Ghost Recon, ouais. Qui avait présenté sur la Wii U avec du gameplay, puis tout ça, fait que... Effectivement. Faut regarder ça de près, des fois les conférences nous donnent pas tout ce qu'on veut. Ouais. Mathieu Gélina, quelque chose de bon pour Sony. Nintendo va nous parler de sa Wii U qui va avoir des titres qui sont déjà sur les autres consoles. il est assez zouave pour attendre Batman Arcade City un an pour y jouer sur la Wii U. Microsoft vont nous parler de la maudite Kinect, Halo 4, 5, 6, 7, 8, Gears of War. Quoique une démonstration Epic Fail à la Star Wars Kinect serait hilarante. Oui! Reste Sony qui va peut-être surprendre avec la Vita. Va-t-on avoir un preview de BioShock pour Vita? Le jeu avait été annoncé l'an passé. Rêve! C'est vrai ça, il avait sorti sa Vita. Ouais? Je me rappelle c'est pas. Vrai, il avait annoncé BioShock Infinite, puis il a dit « Moi, j'aime tellement ça maintenant parce que je peux me servir, entre autres, de ça pour créer, tu sais. Mm-hmm. » Puis il avait sorti sa Vita, c'était un des premiers à la montrer. Même, je pense qu'elle était même pas... Il y avait personne qui l'avait montré encore, tu sais. OK. Ah, ben, puis tu il vois. L'a sorti, tu sais, fait que bon point, très bon point. Aussi, un rêve que Mathieu Gélina a. Valve sort de nulle part et crie Half-Life 3 va sortir là, là, les enfants. PS, 5$ qu'on va être déçus de la Wii U. Oh! Ah oh, ouais, ça se peut, ça se peut. Ça se peut. T'en as-tu... veux-tu faire une moi, j'en ai sur Twitter. Il y a Boulevard Brutal qui a écrit... Ah, écoutez pas ce bâtard-là. Moi, j'attends des filles en bikini comme au salon de l'auto. Ben ça, il va en avoir, je suis sûr et certain. Ouais, il devrait avoir du cosplay. Daniel Vaillancourt de Fun Jouer Jeu qui dit « Je veux voir du vrai gameplay de la Wii U. » Ben ça, c'est sûr que ça va arriver. Là. Ça va être le showcase de la Wii U cette année. Mathieu 2 dit « En connaître plus sur la Wii U, question de voir si j'achète à la sortie cet automne. » Nicolas Chalifou dit « Des jeux third party pour... ah fuck, juste plus de jeux pour nos consoles portables, puis de l'inattendu pour nous faire capoter. Yeah! Yeah! Il y a Yann Richards de Monsieur Net qui dit, de Monsieur Net et aussi de Radio Talbot, qui dit Mass Effect 4. On sait à quel point Yann Richards est possédé par Mass Effect. Après ça, Ian Richards m'a dit « Sérieusement, j'espère plus d'infos sur les prochaines structures de distribution de jeux. » C'est vrai que ça peut être intéressant. Il en parle-tu des affaires plus techniques dans, ben, ça, dans les trees d'habitude ou c'est juste jeux console? Non, ils peuvent en parler. Là, ouais. Comme ça me surprendrait pas que ça soit peut-être l'as dans la manche de Microsoft. Ouais. Que eux autres, ils annoncent quelque chose plus du genre. Là. Après ça, il y a Nicolas Bissonnette qui dit, encore une fois, Half-Life 2, épisode 3 ou Half-Life 3. Ouais. Ça, tout le monde l'attend, là, vraiment. Ça, là. Mais regarde, don't get your hopes up. Moi, je pense pas que ça va arriver. Simon Dubois dit, une grosse annonce 3DS, aussi grosse que Luigi's Mansion 2 l'était. C'est sûr, mais encore là, grosse annonce, pas de jeu. Ouais, il faut réaliser, faut faire les annonces. Là, faut le faire. D'ailleurs, Nicolas Bissonnette me rappelle qu'il y a une franchise aussi que j'attends avec impatience. Puis le 3, moi, c'est. J'ai bien hâte de voir Beyond Good and Evil 2. Okay. Il devrait bien présenter du gameplay de ça au E3, puis j'ai bien hâte de voir ça. Il y a Sébastien Bouchard de Fun Jouer Jeu qui dit « J'aimerais une nouvelle qui va nous jeter à terre. » Tu sais, genre, Final Fantasy VII HD, NHL 2000 BC, Uncharted versus Tomb Raider. Final Fantasy VII HD, ça moi, existe, j'ai... Non, ça existe pas, puis ça pourrait exister. Ils l'ont juste mis en version PlayStation 1 sur la PSN. Oui, exact. Là. Mais ça se pourrait, c'est pas fou. Il y a Kevin Parent qui dit « On veut des jeux Vita. Depuis que Bruno m'a fait connaître cette console, je suis en amour. C'est ma blonde qui est pas contente. » moi, j'ai ici Yves-Olivier Thibodeau qui veut de l'information sur Grand Theft Auto 5. Ouais. On devrait en avoir sûrement. Ben, moi, je pense qu'on n'aura pas tant que ça. Parce que jusqu'à la date, Rockstar, c'est comme pas tenu loin du E3, mais quasiment. Ils ont jamais fait les annonces au E3. Okay. Comme s'ils se disaient, puis ça a marché jusqu'à maintenant, genre, nous autres, on est à part. Ouais. Nous autres, on est trop big pour ça, le E3. Fait que, dans un sens, c'est vrai, ça les rend spéciaux. Ou ils veulent pas que leur annonce se fasse ternir par des plus grosses annonces. Exact. Ça serait mieux annoncer quand c'est tranquille, peut-être. Là. Non, c'est ça. Puis peut-être même eux autres, je sais pas, mon Grand Theft, ils vont peut-être sortir le trailer... Quand le E3 va être terminé, genre la semaine du E3, genre la semaine d'après, eux autres sortent le trailer, tout le monde parle juste de ça. Ouais. Serge Bélanger, je crois que ça va être assez hardware cette année comparativement à l'an passé. Avec l'arrivée de la Wii U, PS4 et Xbox 720, on va peut-être avoir quelques détails de plus sur ces deux consoles, qui sait. Sinon, bah, ça serait Kinect 2 et Move 2. Ah, oh, la Move, moi, je pense que ça va mourir, ça, bientôt. Non, jamais de suite à ça. Hein? Ben, ça mourra pas, la Move, mais ils feront pas de Move 2. Non, non. Puis il y aura pas Kinect 2 non plus. Non, non, non. Ça, c'était rien que pour matcher la ben Wii, oui. Finalement, puis that's it. Là. On n'entendra plus parler de ça dans un an ou deux. Moi, je suis pas mal sûr. Ils m'ont arrêté de faire des jeux de ça. Ça va finir, là, tu sais. Parce que quant à moi, Sony se doit de sortir quelque chose et vite. C'est bien beau le nouveau compte Ultimate, mais ça apporte rien de nouveau à part de l'argent dans leur coffre. C'est quoi le compte Ultimate? Ouais. Ben, Ultimate, c'est comme des offres qu'ils ont faites pour avoir l'édition ultime. Puis quand t'es abonné au PlayStation Plus, tu l'as à moitié prix, même des fois moins. Fait que t'as comme l'édition du jeu avec toutes ses DLC d'une shot. Puis c'est quand même intéressant, mais tu sais, on dit ah, Sony, ça, ils sont bien mieux de sortir quelque chose. Je trouve que Sony ont quand même des Ils ont du potentiel à tabarnouche cette année parce que cette année ils vont annoncer une tonne de jeux de Vita. Ouais. Le nouveau projet de Quantic Dreams qui est pas rien parce que Heavy Rain c'est un gros titre pour eux autres. Ils vont avoir un PlayStation All-Star Battle qui est quand même assez prometteur. Ouais. Non, sérieusement, c'est parce que moi je me fie à ce que je lis puis les gens qui l'ont essayé disent que c'est trippant. En fait. Ouais. Je dis ben coudonc. Ils vont avoir The Last of Us, ils vont avoir God of War Ascension, mm-hmm. Ils vont avoir tous les jeux que les autres ont, dont Tomb Raider, Hitman, puis toute cette gang-là. C'est ça, fait que tu sais, je trouve que. Moi, je sais, je parle souvent de Sony comme ça, là, mais c'est parce que Sony ont juste des bonnes exclusivités. Ouais. Ils ont vraiment des bonnes exclusivités, fait qu'ils peuvent, s'asseoir là-dessus, puis vraiment, vraiment pousser là-dessus. Puis, bon, la Vita, c'est pas rien. Puis, je trouve que dans la dernière semaine, moi, j'ai eu le réconfort que j'avais besoin. Ouais. Tu sais, je me disais, on va arriver au E3, là. Ils vont nous présenter plein de jeux, là, des jeux officiels de Sony, puis on va triper, mais il n'y aura rien d'autre des third party. Puis, depuis une semaine ou deux, on nous présente juste des jeux de third party. Ouais. Il y en a plein qui sortent, qui pop à tous les jours. Fait que je m'en ferais pas trop pour Sony, ben franchement. Moi, je m'en ferais plus pour Microsoft. Oui, moi, c'est Microsoft qui m'inquiète. Tout le monde les attend avec un bat cette année. Tu sais, c'est parce qu'il y a facilement là, 2 personnes sur 3 qui ont une 360 et qui n'ont rien d'autre chez eux. Fait que tout le monde, absolument, par défaut, trippe sur Microsoft. Ouais. Sauf que Microsoft, l'année passée, n'ont pas arrêté de se faire bâcher à cause qu'ils présentaient juste Kinect. Puis Kinect est un gros investissement pour Microsoft. C'est ça le problème, en fait. C'est un gros joueur, puis au temps des fêtes, la Kinect, là, écoute, ça se vend, mon gars, comme des petits pains, là. Tout le monde est déçu. T'sais. Ça vend au bout. Le monde est déçu par la suite, mais ça vend. Ah ouais. C'est un. Ben, la Kinect, vont être pêchés. Là. C'est, ben, comme, c'est ça. Mais la Kinect, c'est comme la Wii. Ouais. C'est un succès éphémère. Ça va durer 2, peut-être 3 ans. Mm-hmm. Mais pendant ce temps-là, là, ils vont carburer avec la Kinect. T'sais, là, ça fait 2 ans. Ils vont faire leur 3e année avec la Kinect cette année. Ils vont encore présenter des gogos. Je suis certain qu'on va voir une autre présentation, comme notre chum dit, avec la Kinect, puis ça va être épouvantable. Ouais. Tu vas avoir des kids qui vont essayer de voler dans les airs, puis que ça marchera pas, tu sais. Ouais, ouais. Mais ben, la Kinect, c'est un gadget avant tout. Ouais, c'est un gadget. C'est un périphérique, là, tu sais. Tu dis que c'est comme la Wii, mais tu sais, mettons, la Wii peut bien te sortir Xenoblade, tu sais. Ouais. Je veux dire, yes, mon gars, c'est malade, ça, là, tu sais. Non, la, c'est sûr. La Kinect. Mais la Kinect, c'est pas ça, une console au départ. C'est ça, c'est un périphérique. Fait que ça sort des jeux qui fitent le périphérique. Ça a l'air boiteux. Non, c'est sûr et certain. Moi, j'avais d'autres petits commentaires. Il y avait Miguel Ouellet qui dit « Après avoir vu le trailer, Far Cry 3 et GTA 5. Far Cry 3, moi, je suis de plus en plus impressionné par ce jeu-là. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Il y a Martin Robert qui dit « Moi, j'attends rien de plus que des bonnes nouvelles pour nous. Et pour tous, Nintendo, s'il vous plaît, faites-nous saliver, jouer et rêver. » C'est beau. Ouais, c'est beau. Fait que c'est ça. Puis oui, moi, je pense que faut s'attendre à ce que Nintendo soit puissant cette année. Ouais. Ils n'ont pas le choix, c'est un petit peu do or die. Ben, pas tant que ça. Là, non, ils mourront jamais. Ils mourront jamais. Je pense qu'ils mourront jamais. Mais là, les attentes sont... Tu sais, l'année passée, c'était facile de présenter des petites gogos de Wii U, tu sais, puis de la titre. Mais là, cette année, tu sais, tout le monde veut savoir c'est quoi cette affaire-là. Le monde attend fait juste ça. La marchandise est mieux d'être livrée. Ouais. Mm. Alors, on y va en musique avec le thème de Max Payne 3. Mm. Hey, notre top 5 cette semaine, c'est les chicanes. Ouais. C'est... Encore une fois, la bouche pleine de chips. C'est les plus grandes rivalités dans les jeux vidéo, d'après nous. Genre, rien que la chicane, finalement. Ah ouais, rien que la chicane. Dans le fond, cette semaine, on parle de chicane, on parle de chiolage. puis c'est ça, puis on va y aller avec la position numéro 5. Numéro 5. On commence ça avec Zeus contre Kratos. Oui. De la série God of War. C'est bien simple. Dans le fond, Zeus, c'est le père de Kratos. Ouais. Puis il l'a trahi. Il a fait croire qu'il pouvait être à ses côtés, mais Kratos est devenu trop puissant, ouais, trop surpuissant, que Zeus a essayé de se battre à ses côtés puis essayer d'être pour sa cause, mais finalement il a fini par le tuer avec l'épée de... C'était quoi donc? C'était l'épée d'Olympus? Ouais. Olympus Blade? Ah, je l'ai ici dans le garde-robe. Sois fin avec ça, toi. Non, je m'en sers tous les jours. Coupe des oignons. Beurre du pain. Ah! Ah! Damn onion! Super violent. Coupe mon gazon. Ben, tu sais, Zeus, il a détruit Sparta au complet. Il a détruit, ouais, les Spartes au complet avec cette épée-là. Il était gigantesque, il a tout tué. Mais bref, il a finalement tué son fils, tu sais. C'est quand même pas rien. Moi, je ferais pas ça à mon fils. Non, je pense pas. C'est vraiment t'sais. Pas smart. Même si t'as l'épée d'Olympus, tu sais. Tu ferais pas ça, tu sais. Non, non, jamais. C'est pas smart. C'est pas fait mais, pour ça. Mais c'est ça. Bref, Zeus, il est pas cool. Puis Kratos, il en veut tellement que ça fait 3 jeux qu'il se tapoche contre son père à la fin de tous les jeux, puis qu'il fait qu'il s'en va en enfer, puis qu'il revient sur Terre juste pour sacrer la volée à son papa. C'est drôle, pareil. C'est vraiment quand même. En dessous de tout cet habillage, tu sais, c'est vraiment une histoire père-fils. Ouais, c'est une histoire père-fils. Aussi simple soit-elle, tu sais. Ouais. Si tu t'occupes pas bien de ton fils, ben il va se rebeller. Même. Mais c'est en plus de ça, se passe là-dedans. Au final, là, c'est que Zeus, il trippe pas parce que Zeus, c'est le plus grand dieu, tu sais, c'est le maître suprême. Puis Kratos devient de plus en plus puissant, puis gagne de plus en plus de puissance. Puis là, il se dit comme. Hey, c'est pas cool, c'est pas toi le dieu de la guerre, là. C'est moi qui est tough. Fait que, tu sais, c'est un complexe d'infériorité, ouais, ouais, par rapport à son fils, tu sais. Mm. Fait que, il y a une leçon à tirer de ça, ouais, les amis. Sûrement qu'on va avoir ce complexe d'infériorité-là quand on va avoir 60 ans. Genre, ouais, que nos fils vont nous torcher dans toutes les facettes de la, exact, vie, qu'on va être juste des vieux dépassés. Ah non, qui c'est vont ça. Comme marmonner trop longtemps, n'importe quoi. Va nous faire une vingtaine de push-ups en avant de l'entrée. Dire, hey, le père, pose-moi ton char. Puis toi, tu fais comme, hey, puis il pogne tes clés, tu sais. C'est ça qui va nous arriver. Tu pogneras ton épée. Ouais, je garde l'épée, par exemple. Tabarnak. C'est comme, hey, toi, donne-moi mes clés. Donne-moi mes clés, mon petit bâtard. Numéro 4. Alors, numéro 4, Ryu versus Sagat. Ben oui, j'étais surpris. Moi, je pensais que c'était Ryu versus Ken. Ben non, Ken mais tu et m'as Ryu, comme c'est des amis depuis toujours. Oui, mais non, non, non, attends, là. Street Fighter 1, c'était, ouais, Ken contre Ryu. C'était vraiment les deux Sagat. Ennemis ultimes. C'est Ryu versus Sagat. T'es sûr? À 80%. OK. Parce que ça fait longtemps, là. Mais j'aurais pu penser aussi Ryu versus Akuma. Mais ouais, à la base, Ryu versus Sagat, c'est à la source. Parce que je crois vraiment sincèrement, j'ai pas vérifié, que ça date de Street Fighter 1. OK. Puis c'est dans les mangas aussi. Puis la grosse cicatrice que Sagat a de bord en bord du chest, ben, c'est Ryu qui l'a fait, tu sais. C'est des ennemis qui saillissent au plus haut point là, au départ. Okay. Fait que c'est vraiment Ryu a crissé une volée à Sagat solide. Là, oh. Fait que, il a déchiré le chest. Il a complètement déchiré le chest. Là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis avec le temps, étrangement, comme l'eau a coulé sous les ponts, puis là on est rendu à Street Fighter 4, puis ils sont rendus des chummers à ce temps. Ouais. C'est ça qui est vraiment bizarre, là, tu sais. Mais tu sais, ils se croisent dans la rue, ils se battent comme des malades, là, tu sais, mais il y a comme une fraternité, on dirait, de respect qui s'est installée entre les deux, là, tu sais. Mais, la sagesse. C'est vraiment la sagesse, là, tu sais. Mais écoute, Sagat, il est très, très, très badass mais aussi. Oui, là, c'est un grand champion de Muay Thai. D'ailleurs, Aiden a toujours été jaloux de Sagat aussi, puis Aiden est dans le premier Street Fighter. Donc, moi, je préfère Sagat à Ryu, fait que... Ah ouais, vraiment? Ouais, ouais, vraiment. J'ai tout le temps eu de la misère à me battre avec Sagat. Je le trouve grand, tu sais. Il est tough, mais il se contrôle bien quand même. Ouais. Quand tu contrôles ces espèces d'arcs de feu, là... Ah, ça, le genou de... C'est quoi, donc? Non, mais l'espèce de tir qu'il lance, ça ressemble à un arc de cercle, ouais, ouais. Puis il en lance un en haut, un en bas, ouais, un en haut, ouais, un en bas. Si t'es fait puis te reste plus d'énergie, là, ouais, tu fais ça, mon tu gars. Tu peux chaser le gars ben comme faut avec ça. Là. Ça marche. Mais je pense que Sagat aussi, dans Street Fighter 4, quand il frappe, il frappe. Là, oh, oui. Mais c'est ça qu'il y a de bon dans Street Fighter 4 aussi. Puis c'est Nicolas Lachapelle qui me l'a appris à Tremblant. Oui. Mettons, Akuma, tu sais, quand il fesse en salle. Oh, mais oui, il encaisse pas. Ouais. Il y a des personnages de même, les stats sont balancés, là, donc c'est très intéressant. Donc, écoute, Sagat, un killer. Ryu, le plus puissant, dans le fond, le plus sage de toutes les Street Fighters. Ben oui. Donc, un combat épique dès le début. Mais ça fait drôle quand même parce que Sagat, c'est même pas le boss final. Ben, il est juste avant Bison dans Street Fighter. C'est ça, il est juste avant Bison. Mais c'est comme un boss lui-même aussi, oui. Dans les mangas. Mais il est pas en arrière de la grande organisation. Oui. Comment ça s'appelle, Shadow Lou, Black Shadow. Je me souviens plus en comment tout cas, ça s'appelle. L'organisation de Bison. Le Bison, c'est la grosse affaire, pis c'est le méchant, faut le stopper. Mais Sagat, il est juste. Il taillit, là, finalement. Oui. Là, fait que... Mais c'est peut-être ça qui a fait que, justement, c'est devenu des bons chums, tu sais. Bison, c'était le tough, il était au-dessus de lui, puis lui, il se dit, hey, c'est niaiseux, pourquoi on sac des claques? Ouais, allons donc péter Bison pour commencer. Il connaît rien, ce gars-là. Numéro 3. Hey, en troisième position, une très vieille rivalité, Dr. Light versus Dr. Willy. Oui, on avait parce mis que... Megaman au début, ouais. Mais dans le fond, on s'en est pas reparlé, mais c'est vrai que ben, Megaman la, la... est la création de Dr. Light. Ah oui. Puis tous les autres méchants robots, il y en a des dizaines et des dizaines, c'est toute la création de Dr. Willy. C'est le même qui chicane ces deux docteurs-là. Puis, je pense qu'au départ, ils travaillaient ensemble, non? Oui, ils travaillaient ensemble. Dr. Willy puis Dr. Light, ils travaillaient sur des projets ensemble. Et tous les robots qui existent dans Megaman ont pratiquement tout été faits par ces deux scientifiques-là. Ouais. Puis, Dr. Light, lui, présentait ses robots à des conventions puis tout ça, puis avait un énorme succès, tandis que Dr. Willy avait vraiment une autre pensée, une autre façon de voir. Puis, avait pas de succès avec ses robots, avec ses plans maléfiques. Fait que c'est encore une affaire d'infériorité puis de jalousie. Puis, ben, comme, mon écœurant, si je peux pas être avec toi, je vais torcher solide. Fait qu'il a pris tous ses robots violents puis il est parti avec, tu sais. Ouais. Pis c'est comme pour ça aussi, Protoman, ça a été celui qui était mitigé, qui était entre les deux, qui n'était pas bon ni méchant, parce qu'il a été fait par les deux, contrairement à Megaman, qui a été créé par le Dr. Light seulement, tu sais. Totalement. Fait que de Megaman, il a un bon cœur, il est gentil, puis tout ça. Mais moi, je trouve ça cool comme rivalité, parce que Dr. Willy se rend à des niveaux incroyables. Juste pour montrer à Dr. Light qui est mieux que lui. Il se fait des gros châteaux à chaque Megaman. Il fait genre 8 robots, puis des boss, c'est des ça. Stages. Il en fait du gear. Dr. Light, lui, il a fait un Megaman. Ça règle la question. Ça reste là, puis lui, il reste dans son labo, puis il fait comme « Hey, Megaman, t'as un nouveau power-up. Cool, dude. » Il reste dans sa petite maison, puis il dérange pas personne. Dr. Willy, son vrai ennemi, c'est pas Megaman, c'est Dr. Light. Ouais. Il pourrait aller n'importe quand avec son armée dans sa petite maison, puis il s'accrait à voler. Ouais. Tu sais, Dr. Light, mais je veux dire, c'est un gros bonhomme avec une barbe. Méga barbe de Père Noël, ouais. Il a l'air du bigot à Radio-Canada. Tu sais, il est vraiment... Il a l'air d'un bon bonhomme gentil, tout rond. Tu sais, il a l'air fin, mais tu sais, Dr. Willy, il me semble, il est badass. Il est vraiment evil, tu sais. Il a des méga machines. Il en a-tu inventé des robots puissants avec un peu? Il aurait tellement il pu l'assommer. Imagine s'il avait tout fait ça pour le service du bien. Oui, c'est ça. Le monde serait sauvé. Ça serait magique. Oui. Mais ça donne quand même des belles batailles puis des méchants bons jeux. Hein? Mais non, une chance que ça existe, des rivalités niaiseuses dans même. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait dans la vie? Rien. Numéro 2. Numéro 2. Ouais. Scorpion versus Sub-Zero. Ooh. Puis dans notre brainstorm qu'on s'est envoyé par courriel, je sais même pas pourquoi, j'ai pas pensé à ça, mais pas deux secondes, tu sais. Mais... totalement, là, je veux dire, c'est genre un méga beef entre les deux. C'est une énorme rivalité, ça, puis ça date de longtemps. Ça date de longtemps, mais est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vu dans les films de Mortal Kombat sur YouTube? Oui, Comment ça s'appelait cette série-là? Ça, c'est c'était Mortal Kombat, c'était pas Legacy. Ah, ouais? C'était-tu Legacy? Il me semble que ça me dit de quoi, mais là, c'est plate parce que j'ai pas le nom en tête. Puis là, c'est sûr que le monde qui nous écoute sait exactement parle, c'est je vais quoi, aller là. Voir sur Internet. OK. Fait qu'en tout cas, mais ce qui est bien, c'est que dans cette série-là, ils ont finalement réajusté le tir quant à leur rivalité parce que les gens savaient juste pas c'était quoi l'histoire de Scorpion versus Sub-Zero. C'est effectivement Legacy. C'est Legacy, c'est ça. Puis, bref, ce qui est arrivé, là, eux autres, là, ça fait depuis 1992, dans Mortal Kombat 1, qui sac la volée puis qu'il y a une rivalité entre les deux. Ouais. Il y a une rivalité depuis le début. Puis, on l'a su au travers des comic books, au travers des livrets d'instructions. Mais il n'y a jamais eu de gros cutscenes dans Mortal Kombat, à part des Mortal Kombat un petit peu plus vieux, ça, qu'il y a eu sur le PlayStation 2, tout ça. Puis, le plus récent, le reboot. Ouais. On voit un petit peu plus de son histoire. Mais ce qui est arrivé, c'est que Sub-Zero, c'est lui le méchant. C'est qu'il a tué au complet toute la famille de Scorpion. Ouais. Puis après ça, il a tué Scorpion. OK. Puis il a tué tout son clan. OK. Parce que Scorpion, il y avait un clan, puis Scorpion, c'était un on pourrait dire que c'était un samouraï. Ouais, c'était un genre de clan ninja dont la spécialité était justement d'avoir des spears cachés dans manche, là, finalement. Exact. C'était la spécialité du clan. Ça. C'est ça. Tu rentres au clan, tu demandes le spécial, c'est ça qui te donne. Un spear, man. On va te prendre un spécial, peut-être un spear. Mais c'est ça, Scorpion. Scorpion, mort, sa femme est morte, puis tout ça. Sub-Zero est parti, puis lui est parti avec son clan, puis il se dit, c'est mon clan qui gagne, that's it, t'es un asshole. Mais Scorpion a vendu son âme. Pour revenir. Pour revenir à la vie, puis se venger. Puis depuis ce temps-là, il fait juste ça, se venger. Fait que Scorpion, c'est un bon gars. Ouais, c'est pis ça. Moi, quand j'étais jeune... Je sais J'avais pas l'impression pourquoi. Du contraire. Oui, ben j'étais sûr que c'était Sub-Zero qui était fin parce que Sub-Zero avait pas les yeux blancs au début. Ouais, Sub-Zero avait des yeux humains. Hein? Puis okay. Scorpion avait des yeux blancs. OK, ouais, c'est vrai. Puis c'est logique parce que dans le fond, Scorpion, il est vivant, il est pas mort. Sauf que avec les années, ce que j'ai appris, c'est que Scorpion a eu sa revanche au début puis a tué Sub-Zero. Okay. Sub-Zero a lui aussi vendu son âme. Ah ouais, okay. Est revenu à la vie, a fondé une famille. Puis après ça, son frère à Sub-Zero est allé se battre. Scorpion a tué son frère. Okay. En sachant qu'il avait tué son frère, il s'est dit « j'ai pas le bon ». Fait que là, il poursuit encore Sub-Zero de nos jours. Mon Dieu, OK. Fait que, tu sais, Ed Boon, là, cerveau incroyable pour sortir des histoires qui ont ni queue ni tête, là. Mon Dieu. L'histoire originale est vraiment excellente. Puis, tu sais, je trouve ça tellement débile comme dualité parce que les deux bonhommes sont iconiques, sont pratiquement pareils. Mais il y en a un, c'est le feu, l'autre, c'est la glace. Ouais, c'est ça. C'est puissant, là. Ça mérite vraiment d'être en deuxième. Hey, je savais pas qu'il y avait autant d'affaires en arrière de ça. Tu m'en as vraiment appris tout un paquet. Là. Incroyable. Toi, ton préféré, c'est lequel? Moi, ça reste Scorpion. Ouais. Puis c'est juste en termes de gameplay, au final, c'est ça qui fait que ça marche. Puis ben, à base, c'est plus facile de lancer la spear que de lancer la balle de glace. Ouais. Mais dans Mortal Kombat 2, il était bien cool, Sub-Zero, de pouvoir faire de la glace à terre. Puis tu sais, ça, c'était vraiment. Non, puis Sub-Zero, il est le fun. Moi, je l'aime, ça. Moi, j'aimais mieux Sub-Zero, justement, parce que tout le monde aimait Scorpion, donc je le considérais underdog, donc c'était mon préféré. Mais depuis que j'ai vu l'épisode de Mortal Kombat Legacy, ouais. Je suis encore plus du bord de Scorpion. De Scorpion, c'est ça, Sub-Zero, c'était pas fin. Pauvre gars, man. Ça allait bien ta vie, t'as l'air fin, tu sais. Puis ouais. Sub-Zero a vraiment l'air méchant, tu sais. Ouais. Puis non, Scorpion all the way. Bon. Numéro 1. Première place. Quelle surprise! Un classique. Un classique. Mario versus Bowser. Ouais. Parce que, ben écoute. Et comment passer à côté? Ça n'a pas le choix, là, tu sais. Oui. C'est les deux ennemis avec lesquels j'ai grandi, premièrement, que j'ai découvert. Il n'y avait pas de Bowser dans Mario Bros, l'original, Mario Brothers. À Super Mario Bros, c'est là que ça a commencé. Ouais. À part dans le 2, que c'était Wart, la grenouille. Exact. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça a tout le temps été Bowser. Ouais. Pas mal. Dans Galaxy, dans... Ah, pas dans Paper, hein? Oui, c'est vrai, il me semble que dans Paper... Ah, c'est... il est un petit peu là. Ouais, il est un petit peu là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là, mais tu sais... Dans le tennis, dans whatever, mais il est tout le temps là. Mais il est devenu friendly un peu avec le temps. Oui, ben tu sais, c'est ça Nintendo aussi, hein? T'sais, ils ont des ennemis, mais des fois, pour le temps d'un jeu, on va manger du gâteau avec, puis on va faire des affaires qui... manger du gâteau avec, c'est tellement ça, pareil. Mais c'est ça, Nintendo, espèce d'univers naïf où tout le monde s'aime, dans le fond, tu sais... Ouais. Le gars, il fait un gros quest incroyable où il meurt pendant des années pour finalement affronter un bonhomme avec qui il va manger un gâteau dans le prochain jeu. Totalement. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, mais c'est une bonne rivalité aussi du sens que t'as vraiment... Tu sais, t'as Bowser qui est gigantesque, qui est totalement badass, Puis t'as Mario qui est vraiment minuscule à côté. Ouais. Il serait supposé se faire smasher. Ben mais oui. Tu sais, c'est parce que Bowser, il a jamais les tricks qu'il faut. C'est pas compliqué. Tu cours après, tu l'écrases. C'est ouais. tout ce que t'as à faire. Mais là, non. Là, il colle des affaires. Mais là, il est petit, il est pas balles. Vite. Non, Bowser. Il est pas vite, là. C'est un imbécile, là, il est fort, mais il est pas vite. Puis tu sais, jamais là, qu'il coucherait avec la Peach, là. Mais non. C'est un monstre, Sty. Personne ne couche avec un monstre, là. De toute façon, ça lui donne la kidnapper tout le temps. Ça serait impossible. As-tu vu le corps à Peach? C'est juste impossible, là. On sera pas graphique là, dans non, le podcast. Ça marche, là. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ouais, pensez-y deux minutes. Là. c'est une mort certaine. Il y a peut-être certaine. D'autres fantasmes. Là, peut-être. Genre, on ne sait pas. Là. Peut-être qu'il y a d'autres fantasmes quand même. C'est quoi les fantasmes de Bowser? Ça, c'est à se demander. Il devrait faire un jeu de ça. Ouais. Ah mais... oui, ben oui. J'en fais ce que tu veux avec Peach en attendant que Mario arrive. Bowser Orgasm. C'est écœurant. Mais écoute, je sais plus quoi dire par rapport à ça. Là. Ben, c'est que c'est une grande rivalité. C'est une rivalité qui est le fun. Qui a créé plein de jeux. Ouais. Écoute, faut se dépasser pareil pour essayer tout le temps de trouver une nouvelle twist à Bowser, ouais. là, dans le fond. Puis au fil du temps, il s'est créé toute une famille. Là, ouais. Tous les enfants de Bowser, tu sais. Qu'on sait pas avec qui il les a faites, mais en tout cas, ils sont là. Ce qui est le fun aussi, c'est que Bowser, je trouve qu'il évolue. Il est de plus en plus badass, tu sais. Ouais. Moi, plus ça avance. Moi, je vote pour Mario, tu sais. Ouais. Je suis comme, Mario, dans le côté sombre. Moi, là, il me semble que Bowser, il est cool en maudit. Comme dans la dernière version de Bowser dans Super Mario 3D Land, là, elle était écœurante. Ah ouais, là. Je l'ai pas vu, je vais pas essayer ça. Mon gars, il est débile, là. Tu sais, c'est d'ailleurs un des meilleurs tableaux du jeu, là. Mm-hmm. Quand tu te bats contre Bowser, le tableau est vraiment cool, tu sais. Ouais. Puis, super badass, là. Mais c'est ça qui est cool, c'est que quand tu te bats avec, il est badass. T'es quand même intimidé. C'est ça, t'es intimidé, mais quand tu le vois sur des posters ou des Ah ouais, il fait bye bye! Des petits films, tout ça, ouais. Il est avec les gros, autres, là. Il est c'est vraiment. En tout cas, c'est drôle. Drôle de gars. Ouais, avec ses bracelets à stud. C'est un drôle de. Ouais, hein. Ouais, ouais. C'est finalement, ouais. C'est sexe. Bowser, il est SNM. Ouais, ça doit être ça. Fait que c'est ainsi que se termine ce 29e épisode de Rétro Nouveau. On espère que vous avez aimé ça. Ouais, j'ai l'impression que ça a été long, cet épisode-là. On a fait un gros épisode. Ben, écoute, à l'E3, ça porte à discuter. Ouais. Puis, Max Payne. Ça faisait un bout qu'on avait fait de quoi. Ouais, puis Max Payne, c'est un gros jeu aussi. Ouais. Et effectivement, ça va compenser peut-être pour ceux qui voulaient un épisode la semaine passée, ouais. Puis ils n'en ont pas eu. Alors, sans moi qui zozote. Ouais. Pendant que je parle. Puis, bon, la semaine prochaine, c'est le 30e. Oui. Mais on n'a rien de spécial. Ben, en tout cas, là, on n'a rien de spécial à annoncer, mais on ne sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on quelqu'un, va avoir une idée. Ouais, on pourrait inviter quelqu'un à dernière minute. Là, pour inviter quelqu'un. Mon voisin, là. Je crois qu'il est là. Mais là, on n'a pas d'artifice pour ça. Là. On verra. Mais non. Sinon, ça serait à toutes les 5 de Rétro Nouveau, tu sais. Ouais, on est rendu au 35e, 40e, 45e. Peut-être au 40e, je sais pas. 10 semaines, ça passe vite. Ouais. Non, mais moi, je dirais au 50e. Au 50e, ça serait vraiment hot. Là. 50e, là, faut faire de quoi de gros, là. Mm. Feu d'artifice, plaque en or. Tatouage permanent. Greffe de cheveux. Ouais. Plein de mauvaises décisions, là. On fait juste des mauvaises décisions. Tatouage dans le visage. Il y en a dans mon quartier. Tu sais, moi, j'habite centre-sud à Montréal. Puis autour du métro, là, c'est pas rare de voir des gens qui ont des tatous pleines face, là, mais des cochonneries. Là, tu vois que se sont fait faire ça pendant qu'ils étaient gelés ou whatever. C'est tellement triste. Ah, c'est atroce. C'est horrible, man. Tu te lèves à toi le matin, tu te regardes la face. Moi, c'est un cauchemar. Je dirais jamais que ça m'arrive. Là, ah oui, hein? C'est vrai. Imagine. Là, je vais faire ce cauchemar-là tantôt. Ben, hey, fais pas ça. Bon, elle m'a me réveillé à faire comme Christy, j'avais un tatou de Rétro Nouveau dans le front. J'étais là, trop motivé. Tu sais, tu te fais tatouer le tatou de Rétro Nouveau, le logo de Rétro Nouveau, direct d'en face, puis là, genre deux semaines après, on décide de changer le logo. Non, ils ont changé, man. Ouais, mais le gars, juste pour être fair, tu fais Rétro Nouveau dans le front, puis là, c'est comme Monsieur Net sur une joue, tu sais, pour être sûr d'être égal, tu sais. C'est clair. Ah, boy, non, on va non, essayer faites, de pas passer pas par ça, là. Hein. Faites pas ça. On va trouver d'autres choses. Faites-vous pas tatouer d'en face. Ça va aller. N'importe quoi, cette conclusion-là. Ouais, qu'est-ce que c'est ça, cette conclusion-là? Fait que. C'est salut! Ça. Salut à la semaine prochaine! Tremblay ou Trembles.